Nous sommes le jeudi 1er septembre. Wow! 1er septembre, c'est rare qu'on tombe comme boum. Vous écoutez, on a juste une vie. 350. 350 pour vrai? Ouais. On est-tu rendu à 350? Mm-hmm. On tombe sur un chiffre rond le premier du mois? C'est comme wow! Ok. Wow. Je m'attendais pas à ça. On voit que je suis préparé et je suis now. Je suis Blob. Et je suis Anne-Marie. Yes, sir! J'étais comme, il me semble qu'il manque un petit bout. Puis là, je regardais la feuille, je suis comme, ah oui, ce bout-là. Je suis narre. on était en train de jaser avant de commencer, puis de faire le soundcheck. Et là, on a fait comme, C'est exactement ça. Quand même peut-être intéressant qu'est-ce qu'on est en train de dire, sauf peut-être la blague poche de Ritu que j'ai dit à propos des mimes. Ça, c'était... T'en mettras dans la mort. Oh mon Dieu. Est-ce qu'elle va être enregistrée? Oui, mais personne va la comprendre! Moi, j'ai une comme toi qui peut la comprendre. Peut-être un peu blague. Tout le monde qui connaissez-vous la joke, la corde à danser? Oh non. Je m'en rappelle pas. Ok, vous avez pas l'air, fait qu'on va la sauter. Oh! Oh my god, il y a un gars, j'espère qu'il nous écoute pas. Il y a un gars, oh je vais pas dire où. Ça, c'est les meilleures anecdotes, là. J'espère qu'il nous écoute pas. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une blague. Et il a raconté. Et là, on sentait tous autour de la table que ça allait être une blague de mon oncle. On était comme, oh non, oh non, oh non. Puis, tu sais, c'est genre des gars, pis là, il y avait une belle fille, pis genre, oh non, oh non. Ouais. C'était ça. Hein? Ça devait être vraiment drôle. Non, ben, c'est la façon que tu nous la comptes, là. Ouais, ben c'était comme... C'est vrai que j'ai pas compris. C'était comme... Il y en avait deux. La première était correcte. Là, c'est... Ça n'intéresse personne qu'est-ce que je suis en train de raconter. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Là, et à ben, soir... D'abord, je peux vous conter la joke du lit. Voulez-vous entendre la joke du lit? Ben, go. J'ai juste un problème, mais pas encore fait. Oh, God. Honnêtement, c'est quand même un peu plus drôle que les blagues de la personne dont je parle. J'espère! Puis c'est surtout que il racontait la blague, puis c'était très long. Puis il y avait beaucoup de détails. Puis c'était comme zéro important. C'est pas tout le monde qui est bon pour raconter des blagues. Ça faisait juste que c'était comme genre, ah ouais, à couche. Ouais, ça c'est. Le timing tu te dis genre ça va être lequel de tous ces détails là qui va faire la blague, c'est ça l'affaire, c'est que tu le sais pas. Puis là à un moment donné, ouais, puis il y en avait la deuxième après ça, j'étais comme oh non, je vois venir le punch, oh non je sais ça va être ça. Puis là, il l'a dit, puis j'étais comme je l'avais vu venir, puis il était comme quoi, tu l'as vu venir, voyons donc. J'étais comme ben tu veux que je te dis ça. Oh, c'est ça, que t'es pas si hâte que ça là. Comme à l'inverse, des fois, il y a des jokes dans Roadrunner, tu les vois venir, tu les vois toutes venir, pis ils sont drôles pareil. Mm-hmm. Comme, tu le sais, là, qu'est-ce qui va arriver, mais c'est juste comme, l'animation, le timing, c'est parfait, tu ris pareil. C'est l'inverse de ça. Ou c'est comme le Titanic. Comme, tu le sais, tu le vois arriver, que le bateau va... Ouais, c'est ça, c'est un fait historique, là. Ben, en fait, c'est comme tous les films basés sur des faits historiques, comme... C'est exactement où ce que ça s'en va, là. Il y a personne qui fait le saut, là. Le film sur Hitler, comme on savait tous comment ça allait finir. Ah oui, mais tu pleures pareil. Tu pleures pour Hitler? Ouais. Non, pas pour Hitler, mais il y a d'autres personnes aussi, là. T'sais, c'est pas juste lui, là, dans l'histoire. Tu pleures pareil! Mais tout ce que je connais de ce film-là, ouais. C'est la scène mime que tout le monde a fait, mille sous-titrages dessus. Oh my god, oui. Non, mais t'es juste comme si seulement il avait été meilleur en art. Ouais. Ah, Hitler? Si seulement. Ouais. Oui, Qui avait Hitler. fait carrière là-dedans puis qui nous aurait laissé avec patience. C'est ça. Si seulement il n'avait pas été refusé à l'Académie. Ça va être quoi l'excuse quand on va arriver à Donald Trump? Ça va être quoi, genre, si seulement il y avait... Si seulement sa mère, elle avait avorté. Ouais. Oh! Peut-être que c'est pas légal! Ouais, non, malheureusement, ça l'était. Fait que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à soir dans ce podcast-là? Moi, j'ai joué à rien, mais je peux parler, j'ai des sujets quand même. Puis, il y a des trucs qu'on avait écrit de faire il y a longtemps. Oh Puis, shit. j'aimerais ça qu'on le fasse enfin. Ah ouais. Comme, moi, j'ai trois affaires, puis là, on pourra choisir. Là, mais comme, on avait déjà dit une fois, une fois, dans un podcast, là, assez longtemps, on disait, on se trouvait bien drôle de résumer de manière, de résumer Ah. un jeu vidéo en une phrase, mais de manière poche. Mais ça Genre, faut que tu devines, c'est quoi. faudrait Le le préparer. préparer, ça. Du genre Mais, d'affaire qui se ouais. prépare. Parce que là, si on fait juste réfléchir à ça, on the spot, ça sera. En tout cas, je sais pas là. Moi, je suis pas sûr que Ça, je suis assez hot pour je en viens de me trouver une. rappeler, c'était genre, j'avais dit genre, tu sais, là, le jeu, là, comme tu Ouais, c'est rentres pis tu tues tout le monde. Puis là, j'ai fait Hotline Miami, puis j'étais comme ça. wow! C'est vrai, c'est vrai. Quelles étaient les Il chances? va avoir du Des fois, c'est contexte. spontané. Je pense qu'il y avait du contexte parce que tu parlais des jeux qui sont comme top-down et qui ressemblent à ça, là. Fait que tu sais, je pense qu'on n'est pas si hot que ça. Je pense qu'on est peut-être un petit peu dingue. Mais en fait, c'est vrai que top-down, tu rentres pis tu tues tout le monde. Hotline Miami. Ok. C'est vrai. C'est quoi le jeu? Tu sais, là, le jeu, là, c'est tellement réaliste, tu vois le cheval faire caca pis son scrotum. C'est Red Dead Redemption Oui. 2. C'est Très bien. le jeu qui a un meme parce qu'il y a quelqu'un qui prenait des screenshots dedans puis qui les envoyait à la télé dans la section météo. Il disait envoyez-nous des photos de genre comment c'est, de quoi ça a l'air chez vous ces temps-ci. Puis la personne envoyait des screenshots de Red Dead Redemption. Puis la Ah, télé était j'attendais, j'étais comme. comme, c'est quel jeu, c'est quel jeu? Ah, c'était Red Dead. Ouais, c'est ça. Puis la télé était comme genre, oh, hey, les belles montagnes, les Appalaches, c'est le fun. Merci, Marjorie. J'ai fait ça plein de fois. Ça m'a fait mourir. En tout cas, pendant la pandémie, genre, en tout cas, c'était. Et Ben one oui, trolling, mais ça. des photos du 2, évidemment, qui étaient comme une coche de plus. Oh, et qui est genre photoréaliste, là. Qui est genre vraiment, vraiment incroyable. Tu sais, surtout quand tu regardes les paysages de loin, tu y a probablement de la skybox là-dedans pis tout. Fait que, tu sais, c'est peint, là. C'est super beau, là. Ouais. Oh, ça m'a fait mourir, là. Ben, moi, j'en ai peut-être un, là, mais je sais pas Ouais? si vous allez vous rappeler du titre. Comme j'ai pas besoin de faire longue phrase, j'ai juste à dire, t'es un chevreuil. Super Chevreuil Plus. Oui, qui n'est pas ça le titre pantoute. Je C'est quoi sais. donc? Deer? C'était-tu Deer? The C'est comme Forest? The Endless Forest, je pense, quelque chose de Ah. même. Comment ils s'appellent, eux autres? Voyons. Tale of Tales, je pense. C'est Ok. ça, hein? Tale of Tales? J'ai Oui, aucune idée. oui. Qu'est-ce qu'il avait fait de full intéressant, déjà? De Path? Ah, c'est sûr qu'on fait de. Ouais, mais ça, Luxuria c'est après. Superbia, qui était bizarre. Oui. Il y a le jeu avec la madame, je pense, qui est une femme de ménage dans un bureau comme d'un Ah! personnage important, puis que tu Sunset? fais le ménage. Selling Sunset? Ouais! C'est l'un des deux, puis je me mélange tout le temps entre les deux. Un peu. C'est Sunset quelque chose, ou quelque chose Sunset. Ouais, puis j'ai bien compris, ils ont comme. Le jeu a pas fait ben, t'sais, il a pas été un très gros succès, fait qu'ils ont comme un peu dû arrêter à cause de ça, puis c'est Ah ouais. triste, puis j'ai Ah, comme ça je l'ai se peut. toujours Mais pas c'était joué, puis très. Oh, moi Sunset, c'est non ça. plus, mais je l'ai acheté plein prix, là. Moi, je l'ai aimé, mais je peux comprendre pourquoi ça n'a pas été un succès commercial. Parce que c'est un jeu vraiment artsy puis engagé. C'est trop. C'est pas commercial, c'est C'est tout, ça, c'est... exactement. C'est trop pas commercial. C'est super bien, là, mais c'est zéro commercial, là. C'est indie dans le sens qu'un film de répertoire. Et genre indie, puis s'adresse pas à tout le monde. C'est un film de répertoire en jeu. Oh, d'ailleurs, oh my god. Faut que Ah, mais, ok, ben, Gab y vas-y. vienne. pour que je parle de... J'ai entendu parler de Immortality, qui est le nouveau jeu de Sam Barlow. Qui est le gars qui a fait Telling Lies puis Her Story. Fait que c'est un jeu en... En FMV? Oui. En vidéo? Ça, oui. Je cherche tout le temps l'acronyme FMV, je sais pas pourquoi. Puis j'ai entendu Waypoint en parler. L'acronyme, il veut rien dire, genre Full Motion Vidéo. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est, ouais, ça me rend jamais bien. Position, on dirait. Ouais, aux vidéos qui bougent pas. Ouais, c'est ça. Au semi-motion vidéo, comme. C'est, non, c'est. On dirait ouais. que je m'attends à ce que ça commence par V, genre. Aux diapositives. Ouais, c'est ça. mais ouais, c'est ça. C'est le gars qui avait Her Story puis Telling Lies. Mais cette fois-ci, le mystère se passe dans. Dans le fond, t'as des clips. Complètement non édité du filmage, du tournage de trois films. Puis l'intrigue tourne autour de genre une actrice que genre ces morceaux-là de tournage-là sont sortis, puis elle est comme disparue, puis tu essaies de comprendre à travers qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas. C'est ça que j'ai compris. Mais c'est à toi de prendre tous les morceaux de tournage, puis à refaire le film, si j'ai bien compris. Sauf que dans les morceaux que t'as, il y a de tout. Il y a autant qu'il y a du tournage que des outtakes. Il y a des affaires qui sont autour du tournage, mais qui sont pas supposées être dans le film. Il y a des affaires qui sont pas cadrées comme faut. Fait que, tu sais, t'es comme une caméra qui filme la caméra qui filme le film. Fait que c'est des acteurs qui jouent dans un film. Pis tout ça en FMV, ça a l'air que c'est assez impressionnant parce que ça se passe dans les années 70. Pis ça a l'air que le grain photo cinématographique, en tout cas, je devrais quasiment plus rentrer dans le film. Ah, ils ont filmé ça en pellicule pour vrai? Non, mais ça a l'air. Ben, il y aurait pu. Mais ça a l'air que non. Ça aurait coûté cher maintenant. Ouais, c'est ça, ça a l'air que non. Ça a l'air que c'est fait digitalement, mais comme c'est crissement bien fait. En tout cas, c'est le genre de jeu que là, j'écoutais et je suis comme, il faut que Gab joue à ça. Là. Genre, ce sont... C'est bien trop son style de jeu. Là. Ils mettent digitalement du grain cinéma sur toutes de nos jours. J'écoute souvent les séries Disney, incluant les affaires de Star Wars comme The Bad Batch. Puis c'est de l'animation d'images de synthèse. Là. Fait qu'ils ont mis du grain de cinéma dessus. Ça ajoute quelque chose, là. Mais c'est comme c'est pas filmé. Ça se peut pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, il l'avait demandé parce que... T'écoutais-tu Waypoint, Narf, dans le temps qu'il y avait Natalie Watson, qui était comme leur stagiaire un bout de temps? En tout cas, elle a travaillé sur ce jeu-là. Fait que Rob, il a texté pendant qu'il était après jaser avec les autres genres du film pour poser ses questions. En tout cas, bref, si vous comptez jouer, c'est un bon moment de Waypoint quand même, qui parle d'Immortality. Ça vient de sortir. Immortality? Ouais. Tout en caps, il est sur Steam, puis il est en vente en ce moment-là, t'as 20$. Mais ça, ouais, moi je suis vendu, là, je trouve que ça a l'air. Mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il expliquait que c'est tellement. Il y a tellement des détails cinématographiques du cinéma répertoire, mettons, des années 70, puis de la façon que les films sont faits, que c'est quasiment un jeu qui s'adresse aux nerds de cinématographie. Genre, tu sais, il avait l'air inquiet qu'il y ait du monde qui manque des clins d'œil parce qu'ils sont juste pas assez au courant, genre. Ah, là, c'est sûr que moi, je vais tout manquer de mort. Ben non, t'as un bac là-dedans or something. Oui, mais j'ai rien écouté. C'est pour le ça, pire étudiant ça, je vais en parler à Gab parce que c'est le dude qui traite trop là-dessus, tu sais. Non, mais ben, oui. Je sais pas, il y a des techniques sûrement que... C'est bizarre, mais venant de toi, je le vois comme un flex bizarre, que t'étais le pire étudiant. Mais je suis un peu fier, oui. Parce que c'est bizarre. J'allais pas là pour faire un bac en cinéma, j'allais là pour avoir un bac. Et ensuite aller en jeu vidéo, parce que ça prenait un bac pour rentrer n'importe quel. Puis j'ai fait un bac en cinéma. Yes. C'est juste comme... pas rentrer dans la machine, t'es allé pour ce que t'avais envie, comme, je sais pas, j'imagine que je salue ça à un certain niveau. Ben oui, puis je demandais toujours au prof, genre, hey, je pourrais-tu faire, tu sais, quand il disait genre, ah, faites une analyse d'un film au choix, j'étais comme, ah, je peux-tu le faire sur un jeu vidéo à la place? Des fois, il y en a qui ont dit oui. Yay. Bon, c'est bizarre que c'est plugué dans le cinéma. De nos jours, là, ça a plus de sens. Ah, mais je pense que ça a changé, ce programme-là. Il y a vraiment un programme de jeux vidéo à cette heure. Ben, je pense qu'il est dans le département de cinéma, pareil, comme... Oui, ouais, il est dans le département, mais c'est un programme... Non, il était dans le département de design. Ah, toi, non, la mineure est dans le département de cinéma. Le DESS que moi j'ai fait, c'est dans le département de design. Bref, ils l'attachent à ce qu'ils peuvent. Eh, hey, mais parlant ben, l'important, c'est que ça existe, là. Ouais, oui, oui. Puis l'affaire, c'est que moi, c'est parce que mon programme, il demandait un bac en n'importe quoi. Fait que ça incluait, genre, tu sais, on avait une fille qui arrivait de design de mode. On avait un gars qui était genre neurosciences. On avait, tu sais, les mondes, ils venaient de partout. Puis, tu sais, on avait une personne qui avait un bac en informatique. Toutes les autres étaient en n'importe quoi. Tu sais, moi, j'arrivais de cinéma. Puis justement, c'est ça qui faisait que le programme était cool, c'est qu'ils nous mettaient tout ensemble. Puis là, c'était genre des discussions, le fun, sur les trucs qu'on lisait, puis les jeux qu'on jouait. Mais là, n'importe quoi, c'est quand même un gros sujet. Parce que je pense que, tu sais, t'as comme le département des arts et sciences, puis là, t'es comme, mais à part les arts et les sciences, qu'est-ce qui reste à utiliser, à étudier? Ben là, n'importe quoi. Ah oui, oui. Quand même. Ben, en sciences, il manque les humanités là-dedans, non? À moins qu'on rentre pas dans des les sciences. Ah, oh, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, tout est une science quand t'étudies. Fait que c'est comme. Ouais. Ouais. Ok, l'art, les arts, c'est peut-être pas exactement une science, mais les sciences humaines, c'est des sciences humaines. Ben, moi, je dirais que... weird. La philo? Ouais. Ben, moi, je dirais que le HEC, ça compte pas. La comptabilité. Ouais, c'est ouais mais si c'est, des, c'est des maths, là. Ouais. Ben, puis de la gestion, je sais pas. Ouais, mais c'est pas nécessairement comme une étude pour des l'étude, humaines, c'est comme appliqué. C'est une technique. Une technique en CEO. Mais ouais, parlant de grain... Commentaire, Parlant de grains visuels sur un jeu, moi, ça fait comme vraiment longtemps que j'ai joué, là, mais il y avait un truc que je voulais peut-être parler, qui est vraiment dans ma liste, là, depuis un bon temps. Tu sais, la fois qu'il y avait plein de démos sur Steam. J'avais-tu parlé de The Fridge is Red? Non. Ouais, moi aussi, le... Je pense pas. Honnêtement, j'ai un peu accroché à cause du titre, là. J'ai vu le titre, mais c'est un je frigo. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un frigo? Oui. Il est rouge. Oui. Okay. Puis essaie de fait te manger. Fait que ta description, ça aurait pu être genre, hey, moi j'ai joué à un jeu là, c'est un jeu, tu sais là, le jeu là, il y a un frigo rouge. Ouais, mais là, je peux pas vous le faire deviner là. Tu sais, il est même pas sorti. Essaye de te manger. C'est genre le piano dans Mario 64. Je sais pas, il y a un piano qui essaie de te manger dans Mario. Oui, pis ça fait vraiment peur. Les premiers jeux, pas les premiers jeux 3D, là, mais c'est comme les premiers jeux 3D grand public, mettons, là. Ils étaient bizarres. Dans Mario 64, là, comme Mario, c'est pas des jeux épeurants, mais un moment donné dans Mario 64, il y a un piano qui veut te manger. Oh non! Puis, je pense qu'il fait faire des cauchemars à des gens encore aujourd'hui, là. Non, c'est juste un ennemi normal. C'est ça l'affaire, c'est qu'il est dans une place par rapport. C'est pas un ennemi important, fait qu'il est dans comme un raccoin. C'est juste comme, OK, un élément du décor, un piano. Puis tout d'un coup, ben il se met à... Tu sais, comme quelqu'un qui frapperait sur toutes les touches du piano, là. Mais comme il y a des dents dans le couvert, puis il court après pour te manger. Ça fait peur. Ben oui. Ça fait peur le saut, là. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu un jump scare. C'est comme le bang-bang de piano avec la trappe qui rouvre pour te bouffer, c'est ça. Mais c'est le principe du mimique aussi, c'est que c'est un objet inanimé puis tu penses pas que ça va être un monstre ou un adversaire, là. Puis là, tout d'un coup... Ouais, c'est ça. Ta-da! Ouais. Cool. Ben, c'est un peu... ouais, je sais pas si... En tout cas, c'est un jeu d'horreur. Mais c'est... Ouais, non, c'est ça. Ça vous plairait pas. Je suis pas sûre que ça me plairait. J'étais curieuse d'essayer le démo puis ben, ça faisait longtemps que j'avais pas... Ouais, t'as joué des fois? Ok. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu d'horreur. Honnêtement, c'est un jeu d'horreur, ça veut dire que là, maintenant, on sait pourquoi que le piano, le frigo, il est rouge. Je suppose. Je sais pas. Ok. C'est vraiment, vraiment abstrait. Puis j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Puis mais le démo m'a pris quasiment 1 heure à faire, là. Fait que, genre, je suis vraiment curieuse, comme le jeu, où est-ce qu'il s'en va, comme. Je serais quand même curieuse. Mais comme, encore là, je sais pas si je paierais pour cette expérience-là. Parce que, j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux d'horreur. Fait que, oh, tu sais, le jeu arrêtait pas d'essayer de me faire faire des jumpscares. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, tannée. C'est juste que, tu fais, tu sais, parce que, quand il y a un jumpscare, parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive, soudainement, pis qui te fait faire le saut, etc., c'est pas pire, mais quand le jeu est comme constamment en train de garocher des affaires dans ta face pour que tu fasses le saut, là, je suis comme, tu sais, c'est plus diégétique, là. Genre, tu fais exprès, là. Genre, pis ça m'énerve. Fait que, tu sais, je suis pas super habituée. Mais le grain du jeu était extrêmement comme PlayStation 1, mettons. Pis je trouvais que ça servait le look spooky. En fait, je trouvais que c'était probablement plus spooky ça que si ça avait été photoréaliste, c'est mettons. Cool. Ça rejoint le truc que je disais sur le Nintendo 64. Ouais? Les jeux de cette époque-là, ils étaient creepy un peu, même quand ils essayaient pas. Ouais, ça fait quelque chose. Il y a comme pas c'est assez de exactement pixels. Ça que tu dis. Ouais, il y a pas assez de texture, il y a pas assez de pixels, c'est uncanny. Puis je pense que le jeu joue beaucoup avec ça aussi, tu sais, il y a un personnage à un moment donné, puis il bouge pas ben ben, puis il est très raide, très robotique, là, tu sais, parce que c'est du early 3D. Puis aussi, il y a un moment où tu te promènes dans un endroit beaucoup plus grand. C'est vraiment, comme, c'est juste vraiment étrange, c'est complètement abstrait, c'est vraiment sauté, là. T'es comme dans un ascenseur qui descend, mais qui descend trop, plus tu descends jusqu'en enfer, plus comme tu te retrouves, tu marches sur comme un espèce de truc marécageux, puis il y a de la boucane un peu, mais le visuel fait que le render, tu vois pas dans la distance, parce qu'il y a comme, tu sais, dans le temps, il y avait pas assez de mémoire pour que tu voyes loin, mettons. Fait que tu vois... Ouais, fait qu'il déguisait ça avec de la brume. Oui. Mais là, c'est surtout que t'es comme fucking perdu, genre. Parce que là, c'est juste un grand bout marécageux avec, genre, des flaques pis un peu de brume. Pis y a comme des espèces d'ombres qui bougent pas, mais aussitôt que tu t'approches, ils te foncent d'en face. Mais ils passent à travers toi, ils font juste fondre. C'est juste pour que tu fasses le fucking saut, là. Sauf que, ce que j'ai bien apprécié, par exemple, c'est qu'ils foncent tout. Tu sais, à un moment donné, il y en a plusieurs, là. Plus t'es habitué à jouer à un jeu, fait que là, t'approches de l'ombre, puis tu le sais que quand t'arrives à une distance X, elle va te foncer dans la face, tu sais. Il y en a une que t'arrives à une distance X, puis elle te fonce pas dans la face, mais tu te rapproches, puis elle te fonce dans la face à une distance Y, et que là, tu fais le saut. Parce que là, tu t'étais habitué à ce que, mettons... C'est habitué à ce que, mettons, exactement 3 mètres, c'est là qu'ils se mettent à bouger, tu sais. Puis là, elle le fait pas, fait que là, tu penses, ah, elle est buggée, tu sais. Non, fait que là, tu fais le saut. mais c'est quand même efficace. Puis c'est ça, le fait que la distance, faut que tu te rapproches pour que les choses render, ça faisait que c'était encore plus déroutant, en fait. Parce que si, c'est ça l'affaire, c'est que s'il n'y avait pas eu de problème... Puis ça, je pense que j'ai entendu dire que dans le remake de Silent Hill, que la distance est render, puis il n'y a plus la brume, puis ça fait plus peur pantoute, parce que tu vois le village, puis tu vois tout. Fait que t'es genre... Tu te sens pas oppressé, tu te sens pas perdu. C'est à se demander qu'est-ce qu'ils ont pensé, c'est genre... Si ouais, vous faites un remake, comme vous le faites. Ils ont pensé. Mais. ils ont, ouais. Ils ont pensé. C'est du monde qui pense à la mécanique du jeu, puis qui pense pas à l'atmosphère du jeu, puis à l'âme du jeu, puis ouais, c'est ça. Mais ouais, je trouvais ça intéressant comme. Tu sais, pour vrai, là, j'ai aucune maudite idée, là. T'es dans une espèce de building. En fait, au début, t'es devant le frigo rouge, qu'essaie de. Ouais, au début. I guess que peut-être que ça va un petit peu sur la vague Five Nights at Freddy's, que j'ai l'impression donne un peu un nouveau souffle au jeu d'horreur. Mais la première scène, t'es devant le frigo rouge, puis tu peux pas bouger. Tout ce que tu peux faire, c'est regarder ailleurs. Faut que tu trouves des objets un peu partout, sauf que quand tu regardes pas le frigo, il s'avance. fait que tu sais, c'est le cas de tu regardes à côté, puis là, tu reviens, puis le frigo il est plus proche, là, puis etc., puis là, tu te laisses trop s'approcher, ben il te mange. Fait que là, tu recommences. Fait que, tu sais, c'est un peu cette espèce de truc d'horreur-là, de genre, haha, faut que tu reviennes regarder, mais faut t'explorer la maudite pièce autour de toi, dans laquelle il y a comme plein de trucs, faut t'y trouver, là. Fait que là, je me disais, c'est comme Five Nights ou ben les anges de Doctor Who, là. Oui, exactement. Donc, je me disais, ok, ça va-tu être ça, le démo, tu sais, puis finalement, c'était juste c'est un... sûr. Ouais, non. Puis après ça, c'est ça, tu te promènes, t'es comme dans un espèce de vieux building décrépit, pis faut que tu ramasses des affaires, pis c'est zéro clair, pis tout est weird, pis y a des yeux, pis tu sais. C'est juste. C'est ça. On dirait que je me demande, est-ce que c'est creepy pour être creepy, ou s'il y a un grand scénario derrière tout ça où tout va se rejoindre pis faire du sens? Je pense pas. Mais peut-être. Je sais pas. Mais ouais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué à ça. Tu sais, je pense que les dernières fois que j'avais joué à des jeux d'horreur, là, c'était Penumbra, qui est comme le jeu que les gens de Amnesia ont fait avant de faire Amnesia. Fait que c'est un Oui. peu. Ouais, fait que c'est un peu de. Fait que c'est pas. Il y a pas de jumpscare, c'est juste l'atmosphère du jeu est tellement oppressante que c'est comme un simulateur d'anxiété, tu sais. Puis t'entends des battements de cœur, genre. T'entends les battements de cœur du personnage que tu incarnes dans tes oreilles, puis tu sais, aussitôt que la musique monte, les battements de cœur ils montent, puis tu sais, puis il se passe fuck all, là. Mais t'es juste turbo stressé, puis il fait noir, puis tu sais pas où tu t'en vas. Fait que ça, je trouvais ça bien trop tough. Je trouvais ça vraiment, vraiment dur puis opprimant. Tandis que là, dans ce jeu-là, qui oui, une atmosphère creepy, mais bien moins oppressant, puis qui fait juste essayer de te faire faire le saut avec. Tu sais, le classique, tu te promènes dans des allées de maintenance, là, puis il y a des tuyaux, là, puis à un moment donné, il y a de la steam qui sort du tuyau, là. Ça, là. Genre, tu y en avais pas, puis là, tout d'un coup, il y a une valve qui saute, puis ça fait pshh dans ta face, là, tu sais. Fait que ça, ouais, fait que c'est complètement différent comme feel, puis je trouvais que. C'est intéressant, mais ça me gosse rapidement quand j'ai l'impression que le jeu. Tu sais, parce que là, à tous les coins. Mais encore là, c'est ça, je pense que le monde, il joue pour ça. Parce que là, à un moment donné, j'étais comme, ça m'énerve, là. À chaque fois que je tourne un coin, il y a genre une valve qui pète, puis il y a de la steam qui fait pish dans ma face, puis là, je fais le saut, genre, en tanné. Après ça, je me disais, je pensais aux gens sur Twitch, je me disais, crime, le monde, il joue pour ça. Je pense que le monde, il joue de ces jeux d'horreur-là pour ça, là. Genre, pour faire Pour faire comme. le saut puis crier comme des malades parce que c'est ça qui fait Ouais, une ou pour fuse. faire comme, ah, oh, je le sais qu'il va y avoir quelque chose sur le bord, de l'autre coin du corridor, je tourne le coin, ah, oh, je fais le saut, haha, ils m'ont encore eu. Ouais, j'ai l'impression que le monde joue pour ça, C'est je sais pas. cheap ça. Ouais. C'est pas le genre de YouTuber. Non, C'est mais pas je veux le genre de dire, même contenu. sans streamer, comme les gens, ils jouent à ça pour ça, I guess. On dirait que je trouve pas le plaisir d'en faire le saut. C'est qu'à un moment donné, je fais plus le saut, je suis juste annoyed. C'est des émotions fortes. Ouais. Ouais! Ben, je pense que les gens, ils veulent comme avoir le plaisir de faire comme, haha, il y a plein de jumpscares, mais j'arrive à un stade que ça me fait rien. C'est comme un Peut-être. concours. Ah, comment ça s'appelait, là? Ah, je pense que ça existe même plus, c'était sur Steam, là. C'est quelque chose House of Jump Scares. Mais c'était tellement, tellement axé sur le... Oh, Spookies. excusez. Ah, tu t'es pas muté! T'as enlevé ta caméra, mais tu t'es pas... Excuse. J'ai fermé ma caméra au lieu de muter mon micro. Ah, c'est trop Ah! drôle. Quel C'est idiot. fucking drôle. Quelqu'un qui l'a Ah, puis après fait. ça, il ferme son micro puis il se met tout nu. Quelqu'un qui l'a fait dans Roblox, ce qui est décourageant. Mais Spooky's Jumpscare le Mansion. House of Jumpscare, c'est pas ça ou est-ce que c'est comme des jumpscares, mais c'est des affaires extrêmement cute, fait que t'es comme, pourquoi j'ai sursauté? Mais c'est parce qu'il apparaît dans ta face, inopinément. Mais oui, c'est tout des Ben trucs oui, c'est fucking ça, mais. cute! Ouais, c'est gratuit sur Steam, ça s'appelle Spooky's Jumpscare Mansion. Puis c'est genre, ouais, c'est des petits chats, des petits cartes, des affaires de même. C'est juste que c'est comme des contours en carton, puis qui font juste sprung dans ta face quand tu marches, là. C'est genre, mais tu fais le saut pareil, mais c'est des affaires cute. Ah, c'est très drôle. Ouais, je sais pas pourquoi qu'il y a de la vie. Je me rappelle plus c'est quoi la mécanique. Faut que tu te rendes comme le plus loin possible, genre. Ah, il y a peut-être quelque chose qui te poursuit. En tout cas, c'est drôle. C'est pas qui ça, ce Mais pour que jumpscare. ça soit épeurant et que tu fasses le saut, ça prend aussi une ambiance sonore. Ouais, Quelque je me rappelle chose plus le. d'oppressant. Fait que si c'est Je crois que j'ai juste pas du pris de cute. note. J'ai pas pris de note sur l'ambiance sonore. Ouais, dans le fond, la soundtrack, c'est essentiellement Narf qui se mouche pendant 10 heures. Ça devient Je très oppressant parce qu'il n'a pas fermé son micro. m'excuse. Mais C'est non, le c'est temps des correct. allergies. J'ai du qui me pique, ça n'a Ah, pas c'est d'allure. vrai. J'ai la même chose. C'est ouais. Comme Puis je prends les des mollo. pelules, tu sais, les pelules, mais ça marche pas à 100%. Ouais. Ah non, moi j'en prends plus parce que ça me fait trop dormir. Puis, fait que je Ah, tu vas me travaille. compter chanceux, ça me le fait Mais pas. Mes allergies sont pas si pires, mais Ah, mais là, prends pas du aujourd'hui, Benadryl, là. là, ça me pique les yeux. Ah, Ah. le démon, il est encore up, si vous voulez essayer le démon. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez essayer le démon de The Fridge Le is Red. frigidaire rouge. Ouais, j'ai écrit, on dirait qu'on est dans un mauvais rêve. Dans mes notes, puis ouais, c'est un peu ça. Quand tu dis mauvais rêve, tu veux-tu dire genre cauchemar ou tu dis un Ouais, rêve parce qui est que... mauvais? Non, un peu comme dans un cauchemar. Mais on dirait que t'es dans un rêve parce que les choses font pas de sens. Mettons, t'es dans l'ascenseur, là, pis tu passes sur le piton, puis le piton, il marche pas. Le piton, il tombe, puis un œil derrière le piton, là. C'est ce genre d'affaire que... Tu sais, comme c'est du magic realism, là. Comme c'est le genre d'affaire que dans un rêve, mais qu'il y a pas dans la vraie vie, là. Fait que ça me faisait penser un peu à ça. C'est pas du magic realism. Plus C'est comme du surréalisme. Ouais, oui. Ouais, Surréalisme-tu? t'as raison. Ouais. Ouais. Effectivement. Magic C'est comme si t'étais realism, dans ça serait... un mauvais rêve de Boris Vian. Ouais. Est-ce qu'il y a des affaires de Maurice Vian qui sont marquées? Genre, il y a des choses... J'ai lu comme des jours quand j'étais ado, là. Puis il y a genre des détails qui sont Moi juste aussi. comme marqués dans ma tête, là. Genre La salle des robinets, qu'il y a le soleil qui coule dessus. Ouais. C'était les On n'a pas tous trottoirs. les mêmes passages, probablement. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi c'était les trottoirs, là. Il y avait comme des gouttières dans les trottoirs, puis il y avait genre du jus rouge puis des seringues qui glissaient comme dans Wow. la gouttière. C'était fucking trash. Je pense pas qu'à cet âge-là, j'étais genre psychologiquement prête à comprendre les métaphores, il voulait dire quoi. Fait que j'ai juste comme retenu les images choquantes, puis je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Moi, j'aimais ça qu'à la banque, il y avait des voleurs ponctuels, fait qu'il fallait qu'ils fassent le tour de la banque, puis qu'ils arrivent, genre, tout le temps au même endroit pour pogner les voleurs parce qu'ils étaient absolument super ponctuels. Fait qu'ils savaient toujours, à tous les jours, comment les empêcher de voler, mais là, lui, il courait pas assez vite, fait qu'il a manqué son coup. Il y a comme un moment du livre où est-ce que c'est le personnage principal, comme, qui se cherche des jobs, puis il est mauvais dans tout, là. Ouais. Est-ce que c'est loin dans ma tête, là? C'est ça. C'était très bizarre que les voleurs y arrivent tout le temps à la même heure, fait qu'il faut que tu sois là. Mais c'est ça son univers, c'est juste comme c'est comme ça. C'est comme ça. C'est absurde, là. Mais je pense que c'est comme un jab envers la vraie vie qui est des fois presque aussi absurde. Ah, c'est clair que c'est super profond ce livre-là, il faudrait que je le relise maintenant pour comprendre qu'est-ce que ça dit. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas trop chercher si loin non plus. Ouais, il y a Je clairement des pense choses qui sont dans qu'il écrit l'absurde, là. beaucoup de choses juste pour s'amuser, là. C'est sûr. Ben, il y avait C'était triste, mais c'était bien. Eugène Ionesco, puis la cantatrice chauve, que moi j'adore. C'est un autre genre. C'est absurde, mais ça parle, comme. Ça parle d'un certain type de famille, ça parle d'un certain type de personnes, ça parle d'un certain type de processus littéraire. Ça imite les cassettes pour apprendre l'anglais. Ben, pour apprendre une deuxième langue. Le genre de OK. phrases que tu utilises pour apprendre une deuxième langue, c'est comme des phrases tellement ordinaires, puis comme les personnages en discutent en long et en large. OK. Parce que c'est pour t'apprendre du vocabulaire, Ben puis oui. faire pratiquer certains mots, mais ça fait aucun sens. Puis c'est C'est comme les genre. capsules de Monsieur Pouelle. Ouais. Wow. Yes. Exactement. Señor Puel. Señor Pouelle. Excellent. Je pense que Excusez. sur le coup, je pensais à Monsieur Mousteille. J'étais Non, comme, non, il me semble que c'est pas il y en a qui ça. est Non, mais c'est prof la même d'espagnol. gang. Ouais, c'est Oui, ça, oui, c'est oui, le oui, prof oui. d'espagnol, là. Oui. J'essaie de me rappeler. Mais c'est parce que ces phrases, ils commencent tout le temps comme une vraie phrase que t'apprendrais comme ça, puis là, ça finit avec une connerie, là. Mais... Ouais. Ouais. Avez-vous des jeux? Sinon, moi, je vais passer d'autres petits jeux. Je voulais parler, tu sais, là, le jeu, t'es comme un petit animal, genre un écureuil, puis qui aime beaucoup les pâtisseries. Puis ça finit un peu nihiliste, tout le monde tombe dans le trou. Ah oui, Donut County. Donut County. Deux phrases. Ça m'a pris deux phrases. C'était pas un écureuil, okay. Mais ouais. Ouais. Je sais. Ouais, si sinon, tu voulais comme pas trop. Ouais, facile. sinon c'est. Ben, c'est sûr que c'est ça, parce que tu parlais tantôt du chevreuil, puis là, je me disais, ah, ben, tu sais, le jeu que t'es un blaireau, mettons. Là. Comme il y a juste un jeu que t'es un blaireau, là. Fait que, ah, malgré que Ouais. non, c'est vrai, avec les animaux anthropomorphiques, là, c'est un peu mêlant, là. Le jeu que t'es un blaireau, puis tu protèges tes bébés. Ouais, mais ça c'est la vraie description Ouais, du c'est jeu, ça qui pour arrive. vrai. C'est ça qui Mais arrive. l'idée, c'est de faire une description, d'une mauvaise description. Ben, ouais. Comme, Je sais il y pas avait si un toutes tes thread à descriptions mané des sur films mauvaises. Mastodon, c'était genre, hashtag décris mal un film. Ah, C'était genre, tu décrivais un film qui a de l'air super plate. Puis là, ben, la joke, c'est qu'il fallait que tu lises ça, puis là, t'essayais de te faire genre, oh, c'est quel film, ça? Puis là, oh, j'ai compris c'est quel film. Ben, ouais, c'était quand même drôle. des fois, les gens font ça aussi, comme des fois, des trucs virals avec, genre, décris ta job en, genre, peu de mots, puis en des mots pas clairs. Un jeu, c'est comme Mario, mais c'est comme en 2D, mais c'est en 3D, puis il y a vraiment un chapeau spécial. Paper Mario? Je sais pas. Non. C'est en 2D, mais c'est en 3D, puis il y a un chapeau spécial. Il y a comme, ben oui, il y a une fixation sur un chapeau particulier. Wow, je trouve pas. Hein. Attends, A Link attends, Between quel Worlds? autre indice que je peux vous donner? Zelda, A Link Between Worlds? Ah, non, ça aurait pu être Minish Cap, Ouais, c'est ça! qui était semi-2D, semi-3D sur Game Boy Advance, mais non. Quel autre... Mais en plus, là, t'as dit c'est comme Mario, là, mais là, sur la feuille de route, dans cette affaire-là, t'as dit qu'on avait pas le droit de faire des références à d'autres jeux. Ah, oh, oui, c'est vrai! Mais c'est parce que ça, c'est chiant, parce que maintenant, il y a plein de jeux que tu peux dire comme, ah, ça, c'est comme le Dark Souls des JRPG. Ça, c'est comme le Dark Souls des RTS. Quelqu'un J'avais va s'en écrit ça sur la foutre. feuille de route qu'on n'avait pas le droit. Ouais, mais c'est parce que ça devait être moi qui devais avoir dit que c'était le Dark, tu sais, comme le Dark Souls de quelque chose, là. Non, je sais pas. Mais tu Parce m'avais que c'est dit que comme c'est comme ça. le Dark Souls des jeux de style Sims. Faudrait. Oh my god, pourquoi t'existes pas? Oui, je le sais, c'est Dwarf Fortress. Tu sais, j'allais dire, il devrait exister un jeu de Sims, mais au lieu que ce soit toi qui suis tes Sims, Exactement c'est ça. tes Sims qui essayent tout le temps de se tuer. Tu essaies de tout faire pour les garder en vie. Oui, ça s'appelle Lemmings. J'allais dire non, ça s'appelle Ghost Trick sur DS. Quand les Oh gens sont tous en oui, train c'est de mourir, vrai. puis il faut que tu les sauves. Ouais, c'était bon ça. Ah, vous l'avez tous joué, c'est cool. On a-tu tout joué? Je ne l'ai Damn. pas joué, mais je le connais de Ah, nom. c'est J'ai vraiment vu un bon. peu comment ça fonctionne, c'était cool. Puis Hey, mais parlant de sinon. Dwarf Fortress, là, Renata sur Waypoint ces temps-ci, elle parle de Caves of Cood, qui est un autre jeu en ASCII. Cave of Cood? Ouais! Je connaissais pas ça! Mais là, je suis Il y a un jeu intéressée. qui. Un jeu entier à propos des coudes? Ah. Fait une fixation sur des coudes? Man, je pensais que tu pensais. Je pensais... Non, c'est comme QUD. C'est quoi ça? QUD. C'est un roguelike, Coude. mais comme Rogue. Ou comme en Yeah! anglais, NetHacker? Mais vous NetHack. voyez, si on abusait pas des termes, on pourrait dire c'est un roguelike. Ouais. Mais non. Mais c'est tout en... Oh non, c'est pas tout en ASCII. Ils ont comme fait un visuel quand même. Pas si... En tout cas, on n'est pas tant loin du visuel de Dwarf Fortress original, mettons, là. Mais ça a l'air absolument super expensive, genre super complexe, et avec plein de textes, puis avec plein de possibilités, puis avec plein de stocks. Ça a l'air malade. C'est sur Itch. Je peux regarder Là, je ça. vous ai pas dit c'était quoi le jeu que je pensais, là. Fuck, c'est vrai. Non, j'ai toujours pas trouvé. Platformer, c'est comme en 2D, mais c'est vraiment en 3D, puis il y a un chapeau bizarre. C'est comme en Puis, 2D, mais c'est vraiment en 3D. Chris. Il y a de la bonne musique, puis c'est tout en pixels. Puis, le créateur, c'est un poisson. Mais voyons donc! C'est Fez! Oh, tabarnak. Wow. Il y en a un style des platformers, là. Ouais, ça, c'était peut-être pas ouais, assez... fair enough. Je sais pas, ouais, j'avoue, hein. Parce que y a le un 2D, jeu... 3D, c'est dur de savoir est-ce que c'est une mécanique ou est-ce que c'est juste le visuel. Sur ça, j'étais pas sûr. Ouais, ok. Ouais, Mais non, c'est non, parce mais que c'est en c'est juste 2D, parce que mais c'est c'est... vraiment en 3D, Ouais, pour c'est vrai. ça. Il y avait moyen C'est ça, de... Comme je me suis un petit toute peu... l'histoire, c'est genre, toute la prémisse, c'est que tout le monde pense que c'est en 2D, mais là, toi, t'es capable d'aller dans le 3D. Ben oui. Puis Je me là, suis un petit peu embourbée dans le t'observes 2, des 3. entités qui sont capables d'aller dans le 4D, puis là, c'est comme... Il y a un langage qu'il Le faut que tu décodes. Hexahedron. Sinon, c'est un jeu, c'est vraiment, c'est un jeu, il se passe rien, tu check s'il y a des feux, mais il n'y a pas de feu. Firewatch. C'est évident. Ouais, mais Yes. ça, il y aurait moyen de genre... Je savais pas que c'était ça. Tu check s'il y a des feux, mais il n'y a pas de feu, mais ton mariage est en péril. Ton mariage est en péril. Mais comme ça va pas bien, là. C'est un jeu de drama, là. C'est pas ça, genre, Ouais, ton c'est... mariage est en péril. Comme, attends, il me Ouais. semble que j'ai oublié un ingrédient. Ah oui, ça en va dans l'armoire, pogne le pot de drama. Ben, mais c'était, il me semble que le jeu commence pis c'est déjà passé. Ah, c'est ça? Oui, c'est peut-être ça. C'est justement, il y a un drame dans ton passé puis là, t'arrives dans le Ah, jeu te ouais. fait un Mais text il me semble qu'il y adventure a une des game. options que tu peux revenir puis faire comme je vais essayer de reconquérir mon ex. Voilà. Peut-être, j'ai pas Je pense que ouais. Mais je pense que personne prend cette option-là, hein, mais ça fait j'ai un peu loser, I guess, je pense, là, mais... parce que je pense que les deux options que les gens voyaient, c'était d'essayer de finir avec la fille qui te parle au CB ou pas, tu sais. Ou plutôt de respecter qu'elle a une vie puis que tu viens de la rencontrer, là. Fait que je pense que les gens ont vu un peu ça, mais il semble qu'en discutant avec elle... Oh non, ça se peut-tu que... La prémisse, elle peut être différente dépendamment de ce que tu dis à la fille au début quand elle te pose les premières questions. Tu peux te dire que ta femme est morte, mais tu peux te dire qu'elle est encore là. Puis qu'elle était peut-être juste partie, genre. Mais semble que la prémisse aussi est ouverte. Parce que ça dépend. Au début, elle te pose des questions, puis tu réponds aux questions, puis après ça, le jeu prend pour acquis ce que t'as choisi comme réponse. C'est ça, la vérité, genre. Ça, je trouve ça cool. Les jeux qui font comme... Ça, c'est cool une fin open, mais c'est cool comme un début open aussi, genre, puis que ça s'adapte, genre. C'est un peu comme les RPG qui choisissent les stats de ton bonhomme en te faisant faire un test de personnalité du 7 jours. Ah, j'avais tellement aimé ça dans Vampire the Masquerade, là. C'est-tu de même que j'avais eu Ça pogné drôle quand ma... ils font ça. Je suis plus sûre que c'était de même que j'avais eu ma... Non, ouais, je pense qu'il m'avait donné, genre, un clan que j'aimais pas. Puis là, j'ai refait le test de personnalité en me donnant... En me donnant des caractéristiques plus cool, tu sais. Là, j'étais le clan que je voulais. Mais ça, tu sais, juste moi qui faisais ça quand j'étais jeune, faire les tests de personnalité des magazines de filles, mais genre... Tu fais comme la version toi, puis tu fais la version comme qui j'aimerais être si genre j'étais pas aussi gênée puis que j'étais brave et cool. J'essaie de voir où Je me ça. souviens pas avoir fait ça exactement, mais comme je comprends le feeling, Ouais, c'est... Fallait j'ai fait des peut-être affaires du genre t'exposer à... dans d'autres contextes, là. Quel autre jeu qui fait ça? Moi, je me rappelle de Vampire the Masquerade, mais je me rappelle pas de ben ben d'autres. Les Dragon Quest, il y en a qui t'avais ça au début. Oh Le premier ben! Dragon Quest, ils se sont pas compliqué la vie, là. Ils pognent ton nom que t'as écrit, ils font un hash, puis ça détermine, genre, ça va être quoi tes stats, là. Mais les autres, ils te posent des questions au début, puis comme ça décide qu'est-ce que tu vas être. Je pense Kingdom Hearts aussi, mais comme Kingdom Hearts, c'est pas full complexe. C'est comme tu choisis l'épée, le bouclier ou le chapeau de magicien, je pense, là. C'est assez minimaliste. Drazia, il dit Pokémon Mystery Dungeon. Ouais, je me rappelle de ça. Ça se pourrait. Sauf que C'est là, vrai. t'es un Pokémon, là. Mais ouais, je me Ça rappelle de détermine quel Pokémon tu vas être. ça. Ouais. Ouais, c'est cute, ça. Mais les, comme, d'un côté, c'est cute, mais j'aime ça qu'il te donne quand même l'option de choisir aussi, si tu veux, là. Parce que, des fois, comme c'est cute, mais des fois, tu sais pas c'est quoi les options. Fait que, genre, ça, c'est quoi qui. C'est peut-être moi, là. Genre. Donc là, le jeu te donne de quoi, puis tu commences, puis tu réalises que genre, c'est vraiment une classe de marbre, puis t'aurais peut-être voulu prendre d'autres choses, mais comme tu savais même pas c'était quoi les possibilités, t'sais. Fait que c'est, j'aime ça quand il y a, comme, il y a l'option de faire les deux, là. Brasier, il dit que c'est pas vrai que Kingdom Hearts c'est pas full complexe, mais là, les choix, le, là. Ben, le petit bot que tu choisis au début, oui, là. Ouais, c'est ça, il me semble que j'ai déjà vu d'autres sinon, RPG le faire, comme... Moi, j'aime ça protéger mes amis! Moi, j'aime ça être à l'offensive! Wow. Moi, je suis un nerd! Bon. Ça, des fois, c'est pas d'une profondeur. Ouais. Ce sont pas forcés, ben. Ouais. Bon, moi, je pense à un jeu... T'es un gars qui va faire un ménage dans un bureau contre les extraterrestres pis t'as des vraiment grosses poches. Ah, mais ça, c'est tous les jeux. Là. Si tu parles de la taille de l'inventaire, là, ça, c'est tout. C'est un first-person shooter. Faire un ménage dans des bureaux contre les extraterrestres. Tu fais le ménage d'un bureau contre les extraterrestres. T'as des grandes, grandes poches. Moi, je me rappelle juste de... Qui est un nerd. Un ingénieur. Ah, mais t'es pas au bureau, là. C'est Half-Life. Ouais. T'es pas au bureau. Ben, tu commences, c'est dans son bureau. Non, t'es dans, c'est dans les labos. Son... Ben, dans l'usine. Oh. Ah, tu fais un tour de train. C'est comme ça, Half-Life. Tu fais un tour de train. Mais j'ai jamais vu ça comme son bureau, là. Ouais, mais j'ai tout le temps vu ben, ça comme ça. C'est dans le son lieu de travail. J'ai du bureau, mais c'est un... Mais là, je cherchais parce que, genre... Je sais pas pourquoi, là, quand je joue à Fear, là, des fois, j'ai des levels que j'ai passé bien trop de fucking temps, là. Mais comme Fear 1, là, je pense que la moitié du fucking jeu, t'es dans des immeubles à bureaux, là. Genre, c'est dégueulasse. C'est juste, c'est des immeubles à bureaux, puis des salles de conférence, puis là, genre, tu rentres, puis... Tu sais, comme les first-person shooters qui ont voulu mettre de la physique un peu, puis là, tu rentres, puis t'accroches une chaise, puis elle revole à l'autre bout de la pièce, genre, p'ting! Tu sais, ça qui a fait de même, là. Tout le temps de même, moi, à mon labo. Là, ouais, c'est ça. C'est juste bumper un peu sur une chaise, puis elle fait genre, p'ting, p'ting, p'ting, p'ting, à l'autre bout. Faut faire attention, là. T'approches de la salle à dîner, il y a des ustensiles. Il y a plein de lanceurs dans les murs. Que cling clang. Un jeu, tu rentres comme pour faire le ménage, mais tu fais pas le ménage. Tu fais juste tout checker comme un voyeur. Ben, un Sunset. Person. Hein? Sunset. C'était un peu ça, là. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais aussi du ménage, mais t'es aussi fucking en train de fouiller sur ce qui se passe là. Ok, mais c'était pas ça que je pensais. Parce que tu fais pas vraiment du ménage. Mais t'es là pour faire du ménage? Non. Ah. Well, tu rentrais là pour faire du ménage. Tu sais, en fait, je pense que... on pense... T'es je la pense mort que d'une prémisse, là. C'est comme une maison hantée, mais finalement, non. Hein? Un jeu, c'est comme une maison hantée, mais finalement, non. Tu check des affaires, oui, mais tu remets dans Louis Jason 3. Je trouve que tu remets pas les affaires à leur place dans Luigi's Mansion. T'es enlèves de leur place, t'es garoches partout, t'aspires dans le sac. J'étais comme parti sur une lancée de genre, je vais prendre toujours un peu la même prémisse puis la changer un petit peu. Puis ça mais c'est parce que jeu. C'est ça l'affaire, c'est que tu changes les prémisses, fait que là, tu nous envoies sur une autre piste complètement, genre. Ok. Ben, je pensais à Gone Home, en fait. Mais t'es pas là pour faire du ménage! Mais c'est... Mais comme... C'est évident que t'es pas là pour faire du ménage. Tu tous les objets. C'est pas une maison hantée. Okay. Tu pensais que c'est une maison hantée? En tout cas, j'aurais pas pu... Devrait pas une version, je mais comme que c'est un vrai FPS multijoueur qui s'appelle Gone Home. Oh, je pense que ça existe. Oh... Va sur Itch. C'est sûr que ça existe. Mais là, c'est ça, faut expliquer les jeux de façon pas claire, pas genre inventer une story pour un jeu qu'on invente. Ouais, ah, ouais, c'est ça. Je pense que t'en jolive un peu trop, là. D'écrire mal un film, c'était, on pouvait tricher un peu, puis dire genre. Ouais. Mais ok, je comprends. Ben, oui, t'as raison. Je peux exagérer un peu, mais. Je n'ai pas respecté les règles. Ben, c'est pas ça. C'est juste que tu nous envoies sur des fausses pistes tout le temps. Ok, genre, il n'y a pas moyen de. Um... Ouais, ça c'est trop obvious. C'est pas, c'est le genre d'affaire, en tout cas, c'est le genre d'affaire qu'il faudrait que j'y pense d'avance, là. Mais moi, je fais juste comme scroller ma librairie de jeux. Puis là, je Ah, suis comme, tu sais, je prends ceux qui sont assez connus pour que vous puissiez deviner. Puis là, j'invente une petite connerie. j'ai Mais plein de c'est jeux à trop vous parler. facile. C'est Tinder, mais c'est avec des pigeons. Ah, ouais, mais là. Okay. Ben là. Too easy. Easy. Mais c'est pas Tinder, en fait, t'étais à l'école. C'est pas sur une app. Mais c'est dating pigeon. Oui. Mais ça, tu vois, il y aurait plus moyen d'y aller, genre, comme justement, t'es un étudiant à l'école secondaire, pis toutes tes autres classmates sont des oiseaux. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas drôle. Mais le but, c'est de nous faire deviner, pas de nous envoyer totalement sur une fausse piste qu'on devinera juste pas. Le jeu, tout le monde pense que le monde pense que t'es le père, mais finalement, t'es un poisson. Octodad? Ben oui. Ouais, t'es pas exactement un poisson, là, t'es Une surtout tierce un sous-marine, mais un peu. c'est ça, tu vois, c'est le genre de modification que tu fais qui nous envoie tout le temps sur une espèce de ploup, un autre, là. Ah, le jeu, c'est un jeu, tu manges tout le temps pis tu fais jamais d'indigestion. Kirby. Mais ton passé te hante. Oh. T'es hanté par ton passé. C'est pas Kirby? Oh, ça, non, Kirby est pas hanté par son passé. Ouais, je pense que Kirby s'en Kirby, y a calisse. rien qui le hante, il est tout le temps heureux. Puis Ouais. Kirby, il recrache les affaires, fait qu'il, comme, ça compte pas. C'est comme aller dans une dégustation de vin, puis tout recracher, fait que tu bois jamais le vin, puis donc tu deviens jamais saoul. Là, je te dis, là, il mange tout le temps, puis il fait jamais d'indigestion, mais il est hanté par son passé. Mais ça, j'imagine que c'est tous les jeux dans lesquels t'as des pick-up de bouffe. Non, ben, mais oui, mais ils sont pas hantés par leur passé. Ah, ben là, il y a beaucoup de personnages qui sont C'est hantés par leur passé. Pac-Man! Oh boy. C'est les fantômes qui sont passés? Wow! Ben, je sais C'est du pas, c'est canon, les ça? fantômes. Oh Ouais, boy. on le sait pas trop, là. Oh ben là. Suis pas sûr qu'il y a une vraie histoire officielle, là. Parce que moi, je pensais à tous les jeux comme Final Fight où, genre, tu pètes un dude, puis là, il y a un poulet rôti qui tombe à terre, puis là, tu le gloompes. Il y a même pas une animation de chomp, chomp, chomp, c'est juste ploup. Le jeu, tu veux vraiment aller sur la lune, mais finalement, tu y vas pas. Mais finalement, tu y vas. Kerbal Space Program? C'est ça? Non! Mais oui! C'est Oh, ça doit bon! être, selon ta liste de Steam, ça doit être To the Moon. Non! Non! Portal 2! Wow! Tu y vas pas, hein? Mais c'est vrai aussi. Mais C'est tu y juste. vas! On va-tu sur la Lune à la fin? Mais t'as-tu fini Portal? Spoiler! Ouais? Divulgachi. Mais on Divulgachi. envoie les autres. On y va-tu nous-mêmes? Hey, je me rappelle pas de ça. Parce que je me rappelle que ça finit. Ouais, c'est ça Ouais, doit pas être je longtemps, pense là. que t'as comme un pied qui traverse là ou quelque chose. Ok, c'est ça. Genre. Moi, je me rappelle juste que la fin, comme tu sors de là, puis tu roules, puis c'est un champ, là. Ouais, mais Ah ça, c'est le oui. 1. Ça, c'est la fin Non, après. c'est le 2, ça. Oui, Ah non. ouais, le 2 aussi, mais parce Le 1, que c'est pas un t'as comme la champ. fin, puis t'as comme l'épilogue. Ouais, qu'est-ce que c'est Ouais. C'est l'épilogue? vrai, le 1, c'est pas un champ, t'as raison. C'est le climax versus l'épilogue, on va dire. Ok, Ouais. ouais. Je continue à scroller ma liste. Ouais, moi j'en ai un là, mais je pense que c'est un peu facile là, mais c'est le jeu où, genre, je veux dire, avec suffisamment de fromage, tu peux tuer à peu près n'importe quoi là, ça va juste être long pis beaucoup de fromage. Oh, Breath of the Wild. Oblivion. Non, mais c'est Skyrim. Je sais pas, Skyrim, tu peux peut-être okay. le faire dans Oblivion, en fait, là. Je sais pas, j'ai pas joué. Tu sais, je ne me rappelais plus du nom. J'étais comme, ah, oh, c'est... Ça, je me disais. Oblivion, mais c'est ça, pas je me disais. Oh là là. Hé, hey, mais je vous parle-tu d'autres jeux ou on continue ça? Que... Je sais pas, moi c'est fun. Ok. C'est... Moi, j'étais hype à flusher des jeux de ma liste. Il y avait... Ah, ben, il y a bien sûr le jeu que... Comme, c'est vraiment pas une nouvelle de Stephen Hawking. Puis il y a des patates. Space Plan? Oui! Pourquoi ça serait une nouvelle de Stephen Hawking? Ah, ah, mais je sais pas. Parce que c'est vraiment pas une nouvelle. Parce que le jeu te le dit plusieurs fois que c'est based on a total misunderstanding of... Of Stephen Hawking. Ok, ouais. Oh, c'est peut-être pas Stephen Hawking, par exemple. Shit, je me suis trompé. Ben, non, ouais. c'est... Mais c'est non, sur sa théorie, c'est... Ben, pas sur ses nouvelles. C'est pas Asimov. Ah, c'est peut-être Asimov, ouais. Ah, oh, c'est peut-être Hawking. Je sais plus. Mais Hawking, c'est parce qu'il écrivait pas des nouvelles, là. Il publiait des articles, là. Fait que c'est peut-être plus sur sa théorie, là. Ok, ben là, oh, ça veut dire que je me suis encore plus trompé. Bon, il y avait des patates, fait qu'on a compris que c'était Space Plan. Ouais. Non, c'est pas Asimov, c'est pas Stephen Hawking, c'est l'auteur, là, super prolifique, qui fait des nouvelles, qui fait des romans un peu fucked up. Stephen King? Oui, merci. Je te fais ça. C'est... Mais c'est pas de la science-fiction qui fait Stephen King? I know! Ça prouve à quel point j'étais pas dedans! J'étais comme... Il y avait pas Dark Tower? J'étais deux levels Dark pas Fantasy. Dedans. Ouais. Ok, peut-être. C'est du science fantasy, j'imagine. C'est du dark fantasy. Hey, je m'excuse, ok? Je m'excuse. C'est pas grave, c'était dans l'espace puis il y avait des patates, fait qu'on l'a compris. Mm-hmm. Aïe, aïe. J'ai compris parce que j'ai dit Stephen Hawking, mais c'était pas. Ouais, mais c'est parce que Stephen Hawking puis l'espace. Parce ça... qu'il parle des trucs de l'espace, mais oui. Et là, là, là, là, là, là. Oh là là. Bon, effectivement, c'est peut-être plus le fun si on se préparait. comme moi, je sais que je serais pas bonne pour en trouver des bons comme depuis ça, genre. Depuis quand on se prépare pour ce podcast-là? La réponse est jamais. Ouais. Moi, je prends des notes quand je vois des jeux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, moi, je prends des notes quand je joue à des jeux à Star. Fait que comme ça, même si ça fait genre 3 mois que j'ai pas joué, ben, je suis capable d'en parler parce que je relis mes notes avant. Comment tu fais? Je suis curieux, en fait, de savoir c'est quoi ton organisation de notes. C'est Joplin. Ouais, mais comme tu mets tout ça dans un dossier ou t'as des catégories ou t'as des tags ou comment tu fais? J'ai mon Media Diary sur Joplin. Fait que j'ai, audio, comic, manga, jeu de table, livre, puis télé slash film. Wow. Ouais. Fait que ça, c'est tout des notebooks différents. Oui, puis ils ont des tags, mais je les utilise pas tant, les tags, là. Ouais, moi non plus. Sauf dans certains. Là, tu sais, comme si je voulais regarder, mettons, là, j'ai des tags de... En fait, je tag pas mal toutes les consoles sauf PC. Parce que c'est juste à peu près tout sauf les autres, là. Fait que... j'ai un tag pour les jeux que j'ai finis. J'ai un tag pour les jeux sur Itch. J'ai quand même rendu à pas mal. Switch. Tu sais que tu peux juste regarder ta liste de tags. Ouais, c'est ça que je fais. Ah, ok, ok. Mais c'est parce que j'en ai un esti des tags, là. J'en ai pas mal plus que ça, là. Ah, ok, ok, ok. J'avais des tags de board game parce qu'au début, tous les jeux étaient dans la même catégorie, que ce soit un board game ou un jeu vidéo. Mais là, je les ai splittés parce que c'était à faire. Déjà, t'as mélangé TV puis film puis je suis comme, yo. C'est pas que j'écoute pas assez de films pour faire son propre dossier. C'est juste pour ça. Ah, ok. J'écoute jamais de films. Fait que c'est juste pour ça parce que je me suis dit le dossier film serait tristounet un petit peu. You know what? Il y a quelque chose que j'aurais dû parler depuis longtemps, puis je l'ai pas fait. Puis là, j'ai envie d'en parler. Mais c'est pas un jeu. C'est une série télé. Avez-vous écouté The Good Place? Non. Ouais. Ah! J'ai écouté ça au complet. Il y a des problèmes de trou de logique, mais globalement, c'est vraiment bien. J'ai pas fini, je suis rendu à la moitié de la dernière saison, je pense. Puis là, d'ailleurs, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas écouté d'épisode parce que, comme d'habitude, je suis très très lent à écouter des séries télé. J'écoute genre un épisode par semaine, des fois deux. Ça a zéro rapport avec des jeux vidéo, mais j'en parle pareil. C'est pour Anne-Marie. Je vais essayer de te convaincre. C'est une série télé. Ça commence, c'est des gens, ils sont morts et ils vont au paradis. Donc, le titre The Good Place. OK. Puis là, ben, c'est le paradis. Et c'est le paradis parfait. C'est tellement parfait. Ils ont une âme sœur. Ils arrivent là, puis chaque personne se fait assigner une âme sœur qui est la personne que c'est 100% garanti d'être un perfect match. Que genre, même OkCupid serait jaloux parce que ça serait plus que 100% sur OkCupid tellement que c'est un perfect match. OK. C'est ton soulmate. Mm-hmm. Puis, comment raconter plus sans tout dévoiler les punchs vraiment cool? J'aurais dû préparer mon affaire un petit peu plus. Ben là, rapidement, il y a une ou plusieurs personnes qui est comme... Je pense qu'on m'a peut-être mélangé avec quelqu'un qui a le même nom que moi. Ouais, c'est un peu ça. Puis là, c'est là tous les quiproquos et le reste de la série. Puis ce qui est cool, c'est que c'est le genre de série qui s'attarde pas trop longtemps à sa prémisse, dans le sens que, comme, la saison 1, c'est ce qu'on vient de raconter, mais après ça, la saison 2, là, ça change complètement, puis c'est comme un bon sequel de jeu, que c'est genre, c'est pas la même chose, mais ça reprend des concepts, mais il y a une twist vraiment cool, un peu comme Portal 2, que c'était genre, mais c'est comme Portal 1, mais là, on a rajouté une twist, où est-ce que là, genre, il y a la glu de couleur, puis il y a les lasers, puis toutes ces shit-là. Puis là, c'est comme, ah, c'est un nouveau jeu. Puis après ça, t'es comme, ok, mais qu'est-ce qu'ils ont pas encore essayé? Puis là, ils te surprennent en faisant quelque chose comme, ah, ben oui, bizarrement, c'est la suite logique, c'est vrai. Puis après ça, comme, ah, ok, comme un retour aux sources pendant un temps. Des trucs comme ça. Chaque saison a comme une twist différente. Puis, comme, bon, là, ça, c'est comme un peu, on a parlé un peu de l'organisation du scénario. Après ça, au niveau des personnages, c'est vraiment wholesome et varié. Comme, le cast, il est diversifié, puis comme ils vont un peu dans les stéréotypes pour ensuite comme te faire réaliser que ah oh non, finalement les personnages ils ont plus de profondeur que ça. T'sais, ça commence que tu fais genre ah oh, j'ai les ciblé rapidement, ah oh, elle c'est le machin, elle lui c'est ça. Puis là ah il y a une twist, puis là le personnage ah oh, finalement c'était pas ça. Puis comme c'est une comédie, fait que c'est pas mal drôle. Ok, c'est une comédie. Ouais, j'aurais dû commencer par ça. C'est une comédie hilarante avec juste assez de drame puis des progressions de personnages comme incroyables. Ok. C'est ça. Comme les personnages évoluent, réfléchissent, puis tu sais comme c'est parce que ben des sitcoms puis des moi c'est pour ça que j'aime pas ça d'habitude, c'est que ils vont pogner leur truc, puis là, ils vont étirer ça, puis là, comme il se passe comme des péripéties, mais les personnages évoluent pas vraiment. Mais là, les personnages évoluent comme d'un épisode à l'autre, là. Ça n'arrête pas. Comme, tu sais, c'est vraiment con comme comparaison, là. Mais tu sais, comme les soap opera, que c'est genre, à chaque épisode, c'est genre, oh, finalement, c'était pas elle, c'était ta fille! C'est vraiment à chaque épisode? Je pensais que ça arrivait genre une fois par saison. Ça, c'est con. Ça, c'est con, pis c'est juste comme un truc complètement absurde. Là, c'est un peu ça, genre, ben, c'est pas aussi extrême, pis c'est bien fait, pis c'est genre, c'est logique, pis c'est comme, Fait que ça, l'histoire est toujours en train d'avancer. C'est pas comme une sitcom où est-ce que c'est genre, c'est pas comme Radio Enfer que ça faisait 6 ans qu'il était en secondaire 4. Ouais. Genre. Il y a quand même beaucoup de... Ben, tu sais, c'est parce que c'est une quotidienne aussi, là. Puis l'autre affaire cool aussi de Good Place, c'est que c'est des épisodes assez courts. C'est comme des demi-heures télévisuelles. Ça veut dire que c'est au final, c'est genre 22 minutes, 23 Ah, minutes. ok. Fait que Ah, ça ben ça, c'est s'écoute bien. encourageant. Parce que c'est Ouais, juste quatre je. saisons, puis c'est complété, fait que ça, c'est bien, mais... Oui, et c'est complété. Bon, j'ai pas encore vu la fin. Fait que je peux pas vous dire genre, oh, la fin est bonne. Mais c'est la série préférée de Camille, puis elle l'a écoutée plein de fois. Puis une autre de mes J'encourage amies. tout le monde à se rendre jusqu'à la Ouais, fin. c'est ça, tu l'as vu toi à la Mais fin. si il n'y a aucune honte à arrêter après n'importe quelle saison, parce que les fins de saison sont tout le temps comme ça ferme des boucles quand même. C'est pas Donc c'est pas problématique de juste arrêter quand t'es tanné. Ça va être très bien aussi. Mais chaque épisode finit quand même presque tout le temps sur des cliffhangers. Ouais, il y a ça. Puis c'est littéralement comme, tu sais, vu que l'émission est très courte, ils ont pas le temps pour faire des génériques d'intro puis des génériques de fin. Fait comme ça rapide. Comme le générique d'intro dure à peu près 4 secondes. C'est écrit The Good Place, t'as quelques notes de mélodie, puis et voilà, ça continue. Oh Ça, shit. c'est après avoir fait un cold open. Puis, rendu à la fin, c'est genre, le générique joue comme, je sais plus, en bas de l'écran, je pense, pendant qu'il y a encore de l'action, puis tu te rends compte assez vite que, genre, la dernière affaire qu'ils vont dire, ça va être comme un cliffhanger. Fait que tu l'attends. Comme genre, bon, ça va être quoi? C'est comme, je suis pas fan ben des cliffhangers Let's d'habitude, just mais là, get some eux autres, c'est information juste for some comme, last ah, minute. Hey, tu Janet? sais, ça devient quasiment une joke, mais c'est des bons cliffhangers. Fait comme, si t'es pour aller te coucher, dans le fond, le truc, c'est quand t'arrives à la fin de l'épisode, puis tu vois commencer le générique, tu fais pause. Puis là, tu fais, ah, j'ai la fin de l'épisode, je peux aller me coucher. J'écouterai le cliffhanger demain avant d'écouter un autre épisode. Parce que c'est dur des fois de résister à la tentation après le cliffhanger. Ah, oh, fuck, j'ai envie d'écouter la suite! Mais là, oh shit, il est 11h30, je vais me coucher. Classique. Classique. Cool. Fait que c'est The Fait que Good Place pour un c'est sur jour. Netflix de ce que je vois. Oui. Moi, je vais perdre Ouais. mon accès à Netflix bientôt. Fait que moi, essayer de le trouver ailleurs. Oh, ça devrait pas être difficile. Ben, ça Il y m'étonne. a Kristen Bell, je pense, qui joue là-dedans. C'est elle qui faisait la voix de l'une des princesses dans Frozen. C'est pas Puis, Elsa, c'est l'autre. elle joue qui Anna. dans Good Place? C'est le Ouais, c'est personnage Anna. principal, c'est... C'est elle qui joue le personnage principal. C'est la fille blonde. Ok. Mais j'ai pas vu Frozen, fait qu'en fait, ça sert à rien, cette Ouais. information. D'ailleurs, c'était très drôle. À l'époque, à un moment donné, elle avait mis des photos d'Halloween qu'elle avait demandé à sa fille qu'est-ce qu'elle voulait être pour l'Halloween, puis elle voulait que sa mère se déguise en Elsa, alors que c'était pas son personnage. Mais ce Elle aurait pu qu'elle voulait faire faire, comment, mais Anna? déguise-toi dans ton personnage, ça serait drôle. Mais ce que la Je sais petite, ouais, plus. peut-être que la petite, elle voulait faire Anna. Je pense qu'il voulait être les. Elle voulait que les deux soient Elsa. Okay. Ben, Comme mon personnage, comme c'est le t'es pas personnage fier plus comme que je l'ai flashy, fait. là. Ouais. Mais toutes les Est-ce petites filles aiment que parce Elsa. que elle l'actrice elle est blonde, est-ce que le personnage de Frozen est aussi blonde? Le Elsa, elle l'est, mais celle qu'elle jouait, Anna, est rousse. Ouais. Ah, fait que c'est pour ça que sa fille était comme genre, ben là, faut que tu joues Mais la blonde. toutes les petites filles préfèrent Elsa juste parce que c'est la reine des glaces et elle a une belle robe, là. Ah, ok. Fait que, ouais, elle a une belle robe puis elle a une baguette puis, tu sais, elle a des Demain, beaux je cheveux. l'écoute, ce maudit film-là. Le premier est bien. Le premier est bien. J'ai pas vu le deux. Ben, les deux sont corrects. J'ai trouvé que le premier était bien parce que c'était un des premiers films de Disney que je voyais qui venait subvertir un peu le concept de la princesse qui a besoin d'un prince charmant. Ça vient un petit peu tourner cette idée-là. C'est ça, mais vu que tu vois que c'est ça qu'ils ont essayé fort, c'est un peu moins bon à cause de ça. Ouais. Tu les vois peut-être un peu trop venir. Ouais, c'est un peu on the nose, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas, en tant que fille qui a Non, c'est pas tout le grave. temps vécu, genre, qui a tout le temps vu des films de princesses avec le genre, je ne suis rien sans mon prince charmant, ben je sais comment, ok, enfin, il y a un film qui est comme genre, non, fuck you, va m'arranger tout seul. je trouvais ça bien, même si c'est super obvious. Puis ben les nouveaux films de Disney Pixar aussi sont beaucoup moins sexistes qu'ils étaient avant. Il y a de l'espoir pour la société. Ben pas tant là parce que je veux dire ils peuvent pas être queer parce qu'ils veulent pouvoir les sortir en Chine genre. Fait que comme il y a de l'espoir Ouais, oui puis non mais honnêtement. en ce moment, ils sont pas encore queer, mais. Non, mais ils voudraient, mais comme... Ben, ou sinon, c'est ça, en tout cas, il y a plein de films qui délitent des scènes quand ils sortent en Chine, juste parce que la Chine n'aime pas les trucs Ouais. queer, là. Comme... Puis ben, Il y a un Disney, ils ont couple absolument pas de couilles gay dans là-dessus, le là. film Lightyear. On a écouté Lightyear il n'y a pas longtemps, puis C'est quoi, ça. Lightyear? C'est Buzz l'histoire Lightyear? de Buzz Oh, Lightyear. shit! Ouais. C'est cool, tu ouvres le film, puis ça dit genre en 95, un petit gars nommé Andy a reçu une figurine de Buzz Lightyear. Oh... Ça donne que c'est le personnage de son film préféré. Voici le film. Ah, oh, c'est bien C'est comme cool. un film in-universe, que c'est comme le film qu'il a vu quand il était petit. Ben ouais. Puis c'était bon? Ouais, c'était bien. J'ai quand même bien aimé ça. Le concept, c'est qu'il Buzz Lightyear, il est comme jeune, puis il se retrouve sur une planète avec un gros équipage qui sont pognés sur la planète, puis il essaie de sortir de là. Fait qu'ils doivent trouver une combinaison de carburant pour aller à vitesse lumière, puis tout ça. Puis là, ben, il fait des tests pour essayer d'aider tout le monde à se sortir de là parce que c'est de sa faute s'ils sont restés pognés. Puis sauf qu'à chaque fois qu'il s'en va pour faire le test dans l'espace, il perd des années de vie parce qu'en passant autour du soleil, lui, il vieillit pas, mais tout le monde vieillit genre de 4 ans. Comme, c'est ça la prémisse Oh. de base. Comment ça, lui, il vieillit pas? Ben, parce Parce que que quand tu que voyages dans l'espace, c'est ça qui se passe c'est pour lui. ça, quand tu vas vite puis que tu t'en vas dans un puits gravitationnel, Ok, non, tu veux dire le monde ton sur la Terre, il temps. vieillit pas. Ok. Le monde sur la Terre, il vieillit. Ok. Je pensais que dans son équipage, comme tout le monde vieillissait sauf lui. En tout cas, j'ai pas Non. compris. Ben oui, mais lui est tout seul dans une fusée par Ok, rapport, là. c'est ça. Lui est tout seul dans un petit jet. Il fait des tests avec le carburant. Fait que ça, c'est la prémisse. Puis c'est comme une partie des thèmes, c'est comme c'est bien de mener ta mission comme à l'infini, comme ça, mais l'affaire, c'est que les gens qui laissent derrière eux autres, finalement, ils bâtissent une vie, là. Ben Ben, il y avait le Ça, film, ça. c'était quel film là qui avait ça un peu? C'est Interstellaire pour les enfants. Ça. Ouais. Ouais. Sauf 100 affaires bizarres que Ouais. tu rentres dans un trou noir. C'est-tu du magic realism, ça? Mais, Ouais. ouais. Non. Je pense que C'est oui. juste du... Non, Un c'est juste du science-fiction. peu. Ouais. Magic Non, c'est pas du realism, science-fiction. c'est... La science ne supporte pas qu'est-ce qui arrive dans Interstellaire. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est de la fiction, là. Ouais. Mais c'est de la Ouais. science-fiction, comme la C'est de la science-fiction, c'est tout. C'est science-fiction. Star Wars, c'est de la science-fiction, puis ça se peut pas, Non, c'est mais... pas de la science-fiction, parce C'est de que la la science-fiction, fantasy. ça parle de la vraie vie. Ouais, Star Wars, c'est de la fantasy. Mais... Star Wars, c'est un western médiéval dans l'espace. Ça parle pas de la vraie vie. La D'accord. science-fiction, ça parle d'affaires qui se passent maintenant ou qui vont se passer bientôt, puis extrapoler vers le futur. Mais c'est pas juste la science-fiction Un peu. d'anticipation, ça. Ouais, ok, bon, tu pourrais faire d'autres sortes de science-fiction, j'imagine. Mais Ouais. tu sais, c'est basé sur des situations Parce que, mettons, des actuelles, space mais qui opéras, sont pas comme encore. Blade Runner, c'est de la C'est de la science-fiction, mais science-fiction, c'est ça. pas. Mais c'est parce que Ouais, je pense parce aux que c'est space des opéras. affaires qui pourraient arriver. Ouais, et puis Blade Runner, ça se Ça passe parle de dans nos notre vies. univers, là. C'est ça, c'est nos pays. C'est sur la Terre. C'est plus les space opera Oui, que je tu me sais. demande parce que Star Wars c'en est un space opera, Dune c'est un space Ouais, opera. c'était pas un très bon exemple. Ouais, mais ça c'est de la science-fiction. Star Trek, c'est de la science-fiction. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un space opera. Dune, c'est peut-être pas de la science-fiction, non. Je Ouais, pense Dune, c'est que weird. ça pourrait ne pas en être. Ah, c'est un sous-genre de science-fiction. Raconte-moi donc ça, Wikipédia, c'est quoi la science-fiction? Quand, tu sais, c'est quand ça parle de la vraie vie, là. Quand ça parle de la Non, vraie vie, c'est pas mais ça. transposée. C'est pas ça la science. Non, je pense que tu penses de la science-fiction d'anticipation. Parce que la science-fiction, en tout cas là, tu vois, selon Wikipédia, c'est des trucs imaginaires et futuristes comme la science, la technologie, l'exploration de l'espace, le time travel, les univers parallèles, la vie extraterrestre, l'intelligence artificielle, cybernétique, l'immortalité et la singularité. Ouais, ok. Mais j'ai l'impression Puis quand tu que regardes ta ça, c'est toutes des définition, affaires qu'il n'y a pas c'est... beaucoup dans Star Wars, là. Dans Ouais, Star Wars, non. c'est Ouais, comme ouais. les personnages qui Mais vivent des épopées. c'est que je suis pas sûre que la science-fiction est obligée d'être basée sur la vraie vie. Parce que tu dis que c'est basé sur le vrai monde, genre, oh my god, je vous ai perdu. Ok. Tu dis que c'est basé sur le vrai monde, mais je suis comme pas sûre. Là, je cherche c'est quoi la science-fiction d'anticipation, mais en anglais. C'est comme qu'est-ce que la science ferait à notre société si tu extrapoles à l'infini, mais pas nécessairement dans le futur, mais comme peut-être dans un univers D'anticipation, c'est parallèle ou je sais pas quoi. parce que d'anticipation, c'est que c'est que tu veux que ça soit réaliste. C'est un Alors futur que la proche. science-fiction en général, tu sais, ça peut être genre, ils vont sur Mars et il y a des extraterrestres. Comme on le sait que ça se peut pas parce qu'on le sait qu'il y en a pas, mais c'est quand même de la science-fiction pareille. Mais c'est moi ce que je voyais comme science-fiction d'anticipation, c'est un futur proche. T'sais, c'est mettons le monde Ouais. qui tu sais les trucs sur le AI puis la reproduction puis tu sais des trucs qui pourraient arriver dans 50 ans mettons là. Mais ça me dérange pas que ce soit dans un futur lointain, tant que le sujet, c'est l'humain. Puis dans Dune, c'est ça l'affaire. Le sujet, c'est quand même l'humain. Ouais. Oui, ben sinon c'est Tandis faux. Ah que mais il y a dans une Star Wars, différence. c'est le sujet, c'est l'aventure, je sais pas quoi. Mais Il y a des personnages. il y a une différence entre avoir des humains puis que ça se passe sur Terre avec les pays qu'on a là. Puis les continents qu'on a là, puis tout. Oui, ben c'est ça, mais la science-fiction, ça se limite pas à les pays qu'on a là, puis Non, tout. non, non, c'est ça. On est vraiment en train d'avoir une conversation. On a juste une vie en ce moment. Moi, j'adore ça, Ben là, oui. les titres de science-fiction, là. Je trouve ça Comme on est en train passionnant. de découper les catégories, puis genre le cube de bouffe, puis l'amidon structurel, puis comme est-ce que s'il y a l'amidon structurel dans le vaisseau spatial, ah là, c'est une science-fiction de type 4 dimensions, parce que c'est un cube qui se déplace. Et là, je viens de tout mélanger. C'est Fait vrai qu'on qu'il y a ça parlait dans de... quand même extrapoler des affaires qu'on étudie actuellement, mais tu peux les extrapoler dans un passé alternatif, dans un univers parallèle, dans un futur proche, dans un futur lointain. Mais c'est des affaires comme qu'on suppose qu'on est en train de découvrir, puis on essaie de deviner qu'est-ce qu'on va découvrir, puis ça va être quoi l'impact. C'est de la science, c'est de la pseudo-science, c'est Mais peut être c'est beaucoup ça, d'affaires. c'est juste, c'est un sous-genre, parce qu'il y a plus d'options que ça, genre. Bon, je pensais que j'avais tout couvert. Ouais. Ouais. Ben, c'est des descriptions difficiles à vraiment, Pour vrai, ouais, là. vraiment faire sans oublier de la coin, là. En fait, il y a un article, ça, je regarde, là, il y a un article Wikipédia complet sur, genre, qu'est-ce qui détermine la science-fiction ou pas, puis quels sont les trends. Genre, tu sais, il y a un article sur la science-fiction, il y a un article sur juste, comme, la topologie. La science-fiction. Interesting. Je pense qu'il faut qu'il y ait un genre de commentaire social, même s'il est très léger, là. Tu vois, c'est pas dans leur description non plus. Ouais, mais Mais ça, tu vois, mettons, c'est ça, c'est qu'il y a des sous-genres qui sont plus, tu sais, qui ont plus été déterminés, mettons, le cyberpunk, là. Genre, le cyberpunk, c'est plus serré parce que c'est vraiment un mouvement qu'il y a eu de gens qui allaient un peu dans la même direction. Puis tu vois, ça prend ouais. plus comme une morale. Quand est-ce qu'on va voir des films solar punk? Ben, il y a des livres, en tout cas, parce que le Ouais. solarpunk est là-dedans. Il y en a sûrement, mais ils sont peut-être pas très connus. Il y avait Wall-E. Wall-E, c'est Solarpunk? Ouais? Un tout petit peu, Ouais, non, comme j'aime ça. ça essaye. J'aime ça. Ça parle de Allez, recon. les Ça livres. parle, ça critique le capitalisme, ça parle de reconstruire la société après le changement climatique. Ouais. Leur liste C'est le premier de... film Cyberpunk et en même temps le meilleur film, c'est fou, hein? Ben, je sais pas si c'était le premier, mais. Les livres Mais c'est Solarpunk le qui meilleur référencent, film. là, ils me disent fuck all. Ben, en fait, il y a deux meilleurs films. Fait que, t'sais, le cinéma aujourd'hui, ça sert à rien. C'est juste pour s'amuser parce que les meilleurs films sont déjà sortis. C'est Wall-E et Jurassic Park. J'étais comme, Cherchais ce ça va gars-là. être quoi le deuxième? Ah, c'est vrai, c'est Blob. Cherchais Eh c'était non, quoi c'était l'autre. pas Sonic de 1997. Faudrait que j'écoute le film de Sonic. Ah non plus, j'ai pas vu. De 97 ou le Non, nouveau? non, celui qui est sorti là, quelques années, qui est sur Il y en Netflix a deux, maintenant. tu devrais écouter les deux. C'est ça, en plus, je suis comme, quoi, il y en a un deuxième? Il me semble que c'est Oui, comme... oui. Ça a sorti de nulle part? Ils se sont dit, bon, on a fait les modèles 3D, fait que tant qu'à faire, let's go, on va faire un autre. Je dirais pas, tu sais, comme que c'était méga bon. Ça s'écoute bien, par exemple. Oui, ben C'était bien correct. je me dis, c'est ce genre de film que je me garde pour quand je vais filer comme de la merde puis que j'ai pas envie de rien faire, puis je vais faire comme... Oh, faut juste mettre Sonic. Mais, comme... Ça, je sais pas si ça... Sonic, il est cool, mais des fois, c'est pas tout le monde qui représente Sonic de façon réellement cool. Puis je pense que dans ces films-là, ils ont comme réussi. Tu sais, comme Sonic, il en fait pas trop. Il a l'air un petit peu d'un petit kid qui se trouve cool, mais d'une façon wholesome, puis comme gentil avec tout le monde. Puis Parce que le cool attitude de Sonic transposé dans un univers plus adulte et j'ajouterais science-fiction, c'est genre Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, là, tous les gens dans cette émission-là sont cool. ouais, J'ai mais jamais sont compris ça. cool pour vrai, là. Genre, je suis comme, oh my god, j'aimerais ça être cool comme eux autres. Ils sont désinvoltes et ils sont toujours en train de se balancer des répliques. Puis là, c'est genre de se bitcher, mais comme, ils sont amis, c'est correct. C'est genre, ah, oh, tellement cool. Je me demande si c'est une inspiration pour les films Guardians of the Galaxy, puis plus récemment le Suicide Squad. Cowboy Bebop? Non. C'est une Ouais, bonne ça question file parce un peu que. comme ça. C'est une bonne question parce que Guardians of the Galaxy, vu que c'était des comics avant, ça a été écrit quand? Ben, je m'intéresse pas vraiment aux comics, juste ce qu'ils ont fait comme cinéma avec. Ah, Quand ok. je pense à ça comme inspiration, les Guardians of the. Toutes les BD Marvel, c'est pas inspiré de choses en particulier, c'est inspiré de bon, qu'est-ce qu'on peut vendre avec ça? Ben, C'est tout c'est le sûr temps que c'est ça, toujours les inspiré, conceptions, là. c'est toujours inscrit dans un contexte historique, là. Fait que c'est quand même toujours inspiré de quelque chose, là. Je pense qu'il y a eu une époque comme au début, Golden, Silver Age, Bronze Age, où est-ce qu'ils voulaient faire des affaires particulières avec leurs histoires, malgré qu'il y avait des intérêts économiques. Mais aussitôt que tu sors de ça, là, des années 70 et plus, c'est soit il y a eu des one-shots de financer pour faire de quoi d'un peu artistique, ou soit c'était comme on va vendre des figurines. C'est sûr, j'exagère un peu, là, mais Mais ça finit à peu près comme ça, là. je veux dire que c'est toujours inscrit dans un contexte historique parce que, mettons, même les jouets ont toujours été super inspirés des contextes historiques. Tu sais, les G.I. Joe après la guerre. Tu sais, il y avait toujours le contexte de la guerre froide va avoir inspiré, genre, les Ah, méchants c'est vrai. russes qu'on pétait avec des guns, les Kalachnikovs. Tu sais, fait on peut pas, y a aucune culture qu'on peut sortir de son contexte historique, là. Parce que c'est toujours, qu'est-ce qui est cool pour les kids en ce moment? Puis ben, ça va être inspiré des nouvelles inventions qui font la une, des nouvelles, des ouais, du c'est climat politique. C'est pour ça que Call of Duty tue des Arabes aujourd'hui. C'est, ouais, c'est ça. C'est ça. Je vous avais déjà parlé des figurines de X-Men, comme quoi ils avaient voulu les faire déclarer pas comme des poupées, je pense. Hein? Non, je sais pas. Ouais. Il y a quelque chose. C'est quoi le but des X-Men comme en tant qu'œuvre culturelle? Comme qu'est-ce que c'est? C'est une BD comme raciste ou est-ce que t'as comme. Oh, Bonjour. Right. Gab apparaît. Fait que pour mon mot de la fin. A wild Gab appear. Hello. C'est quoi les X-Men comme morceau de culture? Comme c'est quoi le but de ça pour résumer en trois mots, là, mettons. Les grosses colles. Plus, faites t'asseoir chez vous puis on te garoche avec genre quel est l'intérêt culturel des X-Men. Le racisme c'est mal. Ouais. Ouais ben c'est ça. Ok. Fait que, comme les X-Men c'est plus comme des humains génétiquement sauf que c'est des personnes donc c'est des personnes c'est des humains aussi là ils sont comme nous là, ils sont comme tout le monde. Bon. Fait qu'il y a eu un temps où est-ce qu'on voulait vendre des figurines, puis ils ont réalisé comme que, je pense qu'il y avait comme une taxe supplémentaire pour les fabricants quand tu faisais des poupées. Mais si tu faisais comme des affaires comme des monstres ou des animaux, tu l'avais pas. Fait que Marvel ont décidé, genre, pour éviter une taxe, de faire comme si, non, les figurines X-Men, là, c'est pas des humains, là, c'est plus comme ils ont des pouvoirs, c'est plus comme des monstres. Puis les fans ont été mis au courant par je sais pas quel moyen, puis étaient comme vous êtes donc ben comme cheap, c'est genre ça va extrêmement à l'encontre de ce que les X-Men c'est supposé d'être. Ouais. C'est juste comme weird. Ben, c'est comme quelqu'un de marketing là qui savait pas trop c'était quoi les X-Men, genre parce que ah man regarde-moi ça, c'est comme Frankenstein puis Dracula puis Dr. Jekyll et Mr. Hyde là. Je pense que c'est pire. Je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais ils voyaient l'argent, tu sais, puis comme, bah, on le sait, mais on s'en fout, là. Ah, mais c'est vrai, peut-être qu'ils le savaient, puis ils ont juste fait comme, ben, c'est difficile de marketer ça de même. La plupart des gens connaissent les monstres puis des créatures. Ça, c'est une option aussi. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est comme, oui, dans votre cœur, à vous, les fans, oui, c'est des personnes, c'est des humains. Quand on vous parle, on va le dire comme ça. C'est juste que quand on va en parler comme aux instances gouvernementales, on va les passer comme des monstres parce que c'est mon chat. Mm-hmm. Pour sauver des taxes. Mais ouais, ouais pour les Guardians of the Galaxy, là, je pensais pas que j'aurais à ce point-là raison, là, mais... Parce que l'idée de Blob, c'est que les Guardians of the Galaxy ont juste l'air cool, puis que, genre, c'est pas inscrit dans un contexte historique particulier. Et la vérité, c'est que l'idée des Guardians of the Galaxy de 1969, c'était des super guérillas qui se battaient contre les Russes et les Khmers rouges qui avaient envahi et divisé les États-Unis. Fait que c'est dans un contexte historique fucking pointu. Fait que tu sais comme, oui, le but c'est que ça ait l'air cool. Ouais, oui, c'est la BD originale là, de 1969. Mais c'est oui, le but c'est de vendre. Ouais, mais c'est parce que toi t'es genre basé là-dessus. Oui, le but c'est de vendre des jouets, mais tu vas vendre ça à des kids qui regardent les nouvelles, puis qui regardent les tu sais, qui savent c'est quoi les nouvelles inventions cool, puis tu veux que ce soit inspirant, puis surtout les trucs faits aux États-Unis là, tu veux que ce soit patriotique. Dans ces comics-là, il y a énormément de patriotisme dans les jouets. C'est pour ça les G.I. Joe pis tout, là, tu veux littéralement élever tes enfants à être patriotiques pis à, genre, supporter tes troupes pis aller dans l'armée, là. Fait que... Parce que c'est ça, être américain. Je suis sûr que t'as raison, mais je pensais que la nouvelle remouture, là, comme cinématographique, il y avait une bonne inspiration de Cowboy Bebop, mettons, là-dedans. C'est une bonne question. Mais je suis sûr que t'as raison pour la partie comique. La nouvelle mouture est faite en 2008, fait que oui, Cowboy Bebop devait déjà exister. Ouais, Cowboy Bebop, c'est 1995, 98, ouais. Mais c'est ça, mon idée, c'est que ça devait être... c'est que ça devait être contemporain à l'original Guardians of the Galaxy, mais ouais, c'est ça, ils ont refait une mouture en 2008. J'avoue que comment je parlais tantôt, j'ai downplay un peu le... que t'essayais de démontrer, mettons. Mais en fait, Guardian of the Galaxy, c'est le film de c'est les heist movies. C'est comme Ocean Eleven, c'est comme... Un peu aussi, c'est vrai. C'est un groupe de gens qui vont, c'est un groupe de gens qui s'aiment pas vraiment, mais qui vont faire équipe pour aller voler quelque chose. Ouais. C'est ça, mais à la fin du film, ils s'aiment, puis dans le 2, c'est une famille. Mm-hmm. Ah, ouais. Okay. Parce que c'est la morale. Ça devient un family movie, comme genre, non, comme les films pour enfants. C'est la morale le plus bas dénominateur commun que tu peux avoir dans un film grand public. C'est comme, tu peux pas être plus pointu que ça sans comme aliéner des gens. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, t'es comme les gros films, là, ben, faut que ça soit comme super simple, là, pis t'es rassembleur. Fait que généralement, c'est comme, la famille, c'est important. Ouais. Fait que les Fast and the Furious, c'est la même chose. C'est comme, tu family. Tu peux faire le totalitarisme, c'est mal. Sauf si d'habitude, ça rejoint comme la plupart. Ouais, ouais, mais les gens ne connaissent pas ça. Peut-être pas en Chine. Mais tu sais, regarde, le Star Wars, je lisais un thread Twitter là-dessus que sur des gens qui comprenaient juste comme pas Star Wars, puis disaient que « Ah non, man, la politique dans Star Wars, whatever. » Puis là, les gens étaient là comme « Ouais, mais regarde, George Lucas a lui-même dit que comme l'Empire, c'est les États-Unis. » Puis les rebelles, c'est le Viet Cong. C'était sur ça qu'il se basait en 77 pour comme faire comme la politique de son film. Quelle horreur. Moi, quand je regarde la bataille dans Forêt de Endor, ça me fait pas du tout penser à ça. C'est, ouais, absolument pas. Je sais pas, pas comment quelqu'un pourrait arriver à ce parallèle-là. Mm-hmm. C'est des nounours, man. Puis je veux vivre dans mon monde fantasy où j'aimerais tellement ça être un Stormtrooper, là. La politique, ça n'existe pas dans les médias traditionnels. Arrête d'essayer de mettre des affaires politiques comme des femmes dans les médias. Oh, bon, on arrive au mot de la fin. Ah oui? Déjà? Gab, est arrivé, Gab, il nous a écrit tantôt, il dit « Je vais arriver pour les mots de la fin. » Fait que Gab est arrivé, c'est le temps des mots de la fin. Ah, ben, c'est ça. Non, mais il est aussi... Est-ce que Gab a mangé? Non. T'as pas mangé, fait que c'est un vrai mot de la faim. Ouais, j'ai faim. Oh! J'ai pas mal faim. Wow. Fait que, hamburger. Mm. C'est les Hunger Words. Oh. Moi, c'est les Hunger Games, man. Pour ramener ça à tes jeux vidéo un peu, là. Un peu. Cinéma, whatever. Écoute, moi, j'arrive ici, genre, juste parce que ça me tentait. Ben ouais, mais je t'ai dit de qu'on chance de... Obradin. Ben ouais, moi aussi je veux qu'on chance de Obradin, mais là on a peut-être pas full le temps, fait que... On peut, ben c'est ça. Obradin, ouais. C'est une craque. C'est un bateau. Fait que, ben ça nous prendrait un bon 15 minutes, là, fait que... Ouais, c'est ça. Bon, ben on fera ça une autre fois, hein. J'aurais été là plus tôt, mais anyway, je vais vous compter ça une fois que ça va être fini, là. C'est pas correct. Cool. Pas pourquoi, mais Obradin, je mélange tout le temps ça avec El Shaddai. Je sais pas de quoi ça. Ça a pas rapport, mais c'est un jeu d'épée là, qui était sorti il y a beaucoup d'années maintenant. Okay. El Shaddai, Ascension of the Metatron. Oui, c'est ça. Je pense que je l'ai sur Steam. C'est comme une histoire biblique, mais qu'ils ont refaite en cyber, whatever. Hmm. C'est-tu ton mot de la fin, ça, Blob? Je suis pas sûr, là, mais... J'aime comment ça sonne au Obradin pis El Shaddai, ça, c'est sûr. C'est complètement différent. Mais moi, quand j'entends Obradin, j'ai toujours comme l'impression que quand le mot évolue, genre, quand le mot est prononcé, ça va être « Oh, brother ». Oh! « Oh, brother, where art thou », quelque chose de même, t'sais, film des frères Coen. Je sais bien pas d'où ça vient. Non. Ça pourrait être une bonne vieille chanson comme Obradin, Obradan, Life Goes On. Ouais, moi c'est ça que je voyais là. Quand vous le disiez là. C'est rendu drôle dans le podcast. J'essaye de faire comme genre. Donc, les mots de la fin. Blah! Gang. Mais il est même pas 11 heures. Ouais. Mais il est 10 heures. J'ai joué en masse à Jurassic World Evolution. Moi, j'aime bien ça, jouer à ça quand même. Et puis, c'est cool parce qu'il y a une campagne que je trouve bien conçue comparativement à ma comparaison principale, c'est genre Roller Coaster Tycoon 3. où est-ce que tu roules ce jeu-là, puis il y a comme 150 millions de scénarios à faire. Puis, ben, ils ont des variantes mineures, là, comme le prix de départ des billets, puis des gugus, comme fait une promenade au président qui s'appelle. Comment il s'appelait déjà? Clint Bushton, c'est merveilleux. Nice. Oh my god. C'est vraiment cool. Fait que, anyway. Trop de scénarios, pas. T'as l'impression que c'est juste des stats qui ont fait varier, puis comme la map est différente. Tandis que dans Jurassic World Evolution, t'as essentiellement cinq tableaux, cinq scénarios qui sont un peu étoffés, là. T'sais, chacun a des objectifs à faire sur trois différents plans. Fait que c'est comme le sécurité, scientifique ou divertissement, puis ils interagissent ensemble. Fait que quand tu prends ce qu'ils appellent des contrats, ben tu pousses ta science, mais ça fait que ton divertissement et ta sécurité, ils peuvent descendre des fois. Occasionnellement, tu vas être chanceux que tu as des contrats qui font monter plus qu'une chose ou qui font pas trop descendre les autres. Fait que c'est comme ça que tu es choisi. Mais tout ça va te débloquer des affaires à toutes les fois. Fait que tu as plein de choses à débloquer. Puis en plus de ça, tu peux essayer d'avoir que ton parc devienne 5 étoiles. Le fait de débloquer les affaires sont variables. Ça peut être des nouveaux fossiles, des nouveaux bâtiments. Des fois, tu vas débloquer des missions. Fait qu'il y a une mission pour chaque division. Tu as la mission scientifique, la mission divertissement, puis la mission sécurité, qui vont te donner encore des récompenses de plus. Mais comme dans ce jeu-là, tu veux, sur chacune des cartes, avoir le 5 étoiles, avoir fait tous les objectifs, avoir fait les trois missions. Puis ça devient vraiment passionnant de faire ça dans chacun des contextes parce qu'ils ont des petites affaires qui changent sur chacune des maps. Fait que belle conception, je trouve. Et ces genres de jeux-là, je suis pas le genre à vouloir partir le sandbox puis faire n'importe quoi, puis faire que mes bonhommes se fassent manger par les dinos, puis c'est juste ça mon fun. J'aime que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, fais ça, puis voir comment, combien de temps je suis capable de le faire. Comme Fait des que challenges. bien designé comme campagne. C'est ça mon long mot de la fin. Ben merci Blob. Anne-Marie, t'as-tu un mot de la fin? Ouais, moi j'ai joué à Rusty Lake Roots, qui est un autre des jeux dans la série de Rusty Lake, comme Rusty Lake Hotel et Rusty Lake Paradise. Donc c'est des jeux de puzzle fucking creepy. Fait que si jamais ça vous tente de puzzler dans des affaires qui sont juste extrêmement malaisantes et déroutantes, avec des mais c'est en cartoon, mais avec des personnages vraiment, vraiment particuliers, ouais, Rusty Lake. Puzzle en 3D, en 2D, En comment? 2D, complètement 2D, petit poser point and click. Comment, Adventure Game? Ben, je vois un point and click avec des puzzles, là. On appelle ça un adventure game? Mais parce que historiquement, les jeux comme genre Full Throttle puis des affaires de même, c'est catégorisé comme un Monkey Adventure Island. Game, Monkey Island. Ouais, mais tu te déplaces pas, par exemple. Tu fais juste OK. cliquer puis interagir avec des objets. Ah, c'est comme t'as pas de personnage, tu Non. veux dire? Ah, c'est Ok, comme c'est Déjà plus Vu comme puis Shadowgate. ça. Ça, c'est deux noms que je connais pas. Des Escape the Room Game. Peut-être. C'est pas tant à propos d'escape d'une room ou Ouais, quoi que non, ce je soit là. comprends. C'est vraiment juste d'accomplir des Machinarium, puzzles. Samoras, ben dans ça, Mais t'as non, comme t'as un des bonhomme. personnages. T'as des Ouais, c'est bonhommes. ça. OK. T'as pas un Fait personnage que qui se promène dans c'est un cette cage là. first-person T'es pas en first person 2D. parce que t'es pas un personnage. Ah, T'as juste OK. Fait que c'est interagir avec des une choses. illustration. Ouais. Et dans No Person. Ouais. Un Fait No Person Game. Ouh. que Ouh. Blob, tu tiens quelque chose. c'est toute une série qui existe déjà, puis ben c'est ça, tu sais, ça a l'air cartoony, puis c'est juste des petits puzzles que tu cliques, mais ça avait quand même avec une mise en garde que c'est creepy, là. C'est déroutant, puis c'est un peu gore, mais dans un style illustratif. Fait que celui-là, c'est... Ça pique ma curiosité, puis je ne sais pas pourquoi, il me semble, normalement, ça m'intéresserait pas, C'est fucké. mais j'ai vraiment le goût. Moi, je veux des liens Steam, là, comme. Ben là, Rusty Lake Roots, là, vous êtes capable de le OK. trouver. On va vous le Tous donner les après, là. trois R. Les trois R? Non, c'est Rusty Ben, Blake. non, C'est non. un Merci Anne-Marie. Il y a juste deux R. Merci Anne-Marie pour ton mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, c'est... j'ai deux projets que... Il y a deux projets qu'on essaye de faire pour On a juste une vie dans les prochains jours slash semaines. Des questions que j'avais lancées sur le Discord puis qu'on a commencé à en discuter, mais qu'il va falloir refaire des pauses. Le premier, c'est que je trouve que notre tagline ou notre slogan, I guess, notre sous-titre est comme un peu outdated, un peu passé date et ne reflète plus exactement le podcast que nous sommes devenus. Fait qu'on est en train de chercher un autre slogan. Et il me semble qu'on avait trouvé un pas pire. Ouais, le Giant Bomb québécois, là. Oui, ça, mais ça, t'as toujours dit ça. Comme en 2008, tu nous disais déjà ça. Je sais plus quand est-ce qu'on a commencé, là. Ça fait fucking longtemps. Ouais. Puis le deuxième projet, c'est que on a... Ben, le groupe Discord est actif, puis ça devient une communauté. Puis comme communauté, je pense que c'est important que... on ait un code de conduite, même s'il y a pas de raison en ce moment pour en avoir un. Il y a pas de conflit, il y a pas de gens qui se sentent attaqués, mais justement, c'est le bon moment pour le faire, pour éviter que la journée où il va se passer de la merde, qu'il y ait des règles établies. Fait que, j'aurais aimé ça qu'on en discute pendant le podcast. Pour voir, tu sais, c'est comme un sujet brainstorm. Il y a quelqu'un qui était bien occupé à essayer d'inventer des descriptions de mots en une phrase, des jeux en une oui, phrase. Oui, mais non, on peut pas avoir tous des projets brainstorm dans tout. On peut pas avoir trois projets brainstorm dans le même podcast. Effectivement. Fait que dans les prochains podcasts, peut-être qu'on va en parler. Sinon, la conversation, c'est notre groupe Discord. Et donc, c'est ce qui termine ce podcast de On a juste une vie. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'on va faire les autres épisodes que je viens de mentionner, vous pouvez aller sur notre site web onajustunevie.ca. On est sur PeerTube, sur Twitch, YouTube, Apple Podcasts et les autres endroits où vous trouvez des podcasts. Donnez-nous 5 étoiles, ça serait hot. Vous pouvez nous écrire des emails à bouffe@onajustunevie.ca. Merci à tout le monde qui a chatté avec nous ce soir. Vous pouvez poursuivre la conversation avec nous sur notre groupe Discord, le lien sur notre site web. Et, je voulais tout le temps pour que je l'ajoute sur la feuille de route. On a aussi notre groupe Matrix, que vous pouvez rejoindre, une plateforme décentralisée. Il ressemble à Discord, mais plus cool. Puis, je suis en train de patenter à gosser quelque chose pour essayer d'avoir un pont entre le Matrix et le Discord, que genre, les messages se transfèrent un dans l'autre. Un peu comme le bot qu'on a en ce moment avec Restream. Ouais, ouais. Transfère les messages entre YouTube, Twitch et notre Discord. Ben, ça serait un peu le même principe, genre. Fait que c'est des projets qui s'en viennent. Sinon, ben, merci à Anne-Marie et Blob et Gab. Yeah! Mais toi, non, en fait, toi, t'as juste le i de merci. C'est juste de la fin. C'est cool, man, mais j'aimerais au moins comme genre le merc. Comme que... Ah, le merc. Mais là, le merc, c'est... Mais ouais, le i, c'est correct. Là. C'est beau, Jack. C'est arrivé pour la fin, fait que t'as juste la fin du merci. Mm-hmm. Fait que c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine parce que... On a juste une vie. Toutes les synchro. On a juste une vie, bouffe ton jeu, man.